السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال العلامة محمد بن أبي بكر المعروف بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء: ومن فاتته رفقة المؤمنين وحسن دفاع الله عنهم فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، فاته كل خير رتبه الله في كتابه عن الإيمان، وهو نحو 100 خصلة، كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها. ابن القيم رحمه الله تعالى continue de nous prodiguer le conseil sincère et de nous citer les points qui vont nous pousser à détester le péché, à nous en éloigner et nous en repentir. رحمه الله تعالى. فكان ناصحا في ذلك أعظم نصح. Il nous dit, rahimahullah ta'ala, celui auquel échappe l'élévation des croyants et la protection d'Allah, car certes Allah défend ceux qui croient, manque tout bien qu'Allah a lié à la foi dans son livre. On en compte environ 100 formes, chacune étant meilleure que ce bas monde et ce qu'il contient. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, après nous avoir cité que celui qui commet des péchés sort de la sphère des muhsinim, des gens de l'excellence, ceux qui adorent Allah comme s'ils le voyaient. Et il tombe dans la sphère de al-mu'minin. Et s'il continue, il tombe dans la sphère de al-muslimin, du commun des musulmans. Na'am. Donc il se peut qu'il ait, ou plutôt il a l'iman, mais il a aussi les péchés, les grands péchés. Et en sortant de la sphère des croyants, ceux qui méritent ce titre honorifique, lui échappera tous les bienfaits qu'Allah a rattachés et toutes les éloges qui ont été faites suite à ce terme-là, al-Iman. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit, on en compte environ 100, il y a environ 100 mérites qui ont été rattachés à la foi. Il nous cite cela après avoir étudié le Coran et la Sunna. Puis il nous dit, un seul de ces bienfaits est meilleur que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Subhanallah. Un seul de ces bienfaits qui échappera à la personne qui est dans les péchés, alors qu'on en compte environ 100, un seul est meilleur que ce bas monde et tout ce qu'il renferme. Subhanallah. Il nous dit, minha al-ajr al-azim. Donc il va les citer, je citer certains exemples et citer les preuves. Minha al-ajr al-azim. Wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran 'azima. Wa minha الدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة إن الله يدافع عن الذين آمنوا ومنها الاستغفار أو استغفار الملائكة حملة العرش لهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ومنها موالاة الله لهم ولا يذل من ولاه الله قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا ومنها أمر ملائكته بتثبيته إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا ومنها أن لهم الدرجات عند ربهم ومغفرة ومنها أن لهم الدرجات عند ربهم والمغفرة والرزق الكريم. ومنها العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ومنها معية الله لأهل الإيمان وأن الله مع المؤمنين أي معية الله الخاصة التي تقتضي أو تقتضي النصرة والتأييد والحفظ ومنها الرفعة في الدنيا والآخرة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ومنها إعطاؤهم كفلين من رحمته وإعطاؤهم نورا يمشون به ومغفرة لذنوبهم ومغفرة لذنوبهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم ومنها الود أو الود الذي يجعله سبحانه لهم وهو أنه يحبهم ويحببهم إلى ملائكة وأنبيائه وعباده الصالحين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ومنها أمانهم من الخوف يوم يشتد الخوف أمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومنها أنهم المنعم عليهم الذين أمرنا أن نسأله ويهدينا إلى صراطهم في كل يوم وليلة 17 مرة ومنها أن القرآن إنما هو هدى لهم وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذان وقر وهو عليم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد إذن قال الله سبحانه وتعالى فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وذكر بالقرآن من يخاف وعيد ابن القيم رحمه الله تعالى نقصت سيسان بنفيس attiré d'être du groupe des gens de la foi, mais il en a cité certains. Rahimahullahu ta'ala. Il nous dit, parmi celles-ci, la récompense immense, car dans la traduction des sens du verset de Suratou, An-Nisa, et Allah accordera aux croyants une immense récompense. Parmi celles-ci, une protection contre les maux de ce bas monde et de l'au-delà. Traduction des sens, Allah protège ceux qui croient, en Suratul Hajj. Parmi celles-ci, la demande de pardon des anges et porteurs du trône. Ceux qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient. Donc les anges invoquent Allah Azza wa Jal en faveur des croyants afin qu'il leur pardonne. Donc parmi les plus grands crimes contre sa propre personne et sa propre âme, c'est le fait de sortir de la sphère des vrais croyants. Car la personne perd tout cela. La personne s'interdit tout cela à cause de ses péchés. Et si elle n'est pas avec les gens de la foi dans ce bas monde, c'est-à-dire que dans l'au-delà, elle ne sera pas ressuscité avec eux. Ça veut dire qu'il n'aura pas la même finalité qu'eux. Wallahu musta'an. Car le prophète alayhi salatu wa salam nous dit « Wal mar'u ma'a man ahab » La personne sera avec ce qu'elle a aimé. Naam. Ibn Athaymin rahimahullah ta'ala explique. Il dit même yom al-qiyama. Dans la même situation. L'iman, c'était un arbre élevé, solide, avec des branches qui convergent vers le haut. Et dont les fruits sont excellents. Et dont l'entièreté de l'arbre est utile et profitable. comme Allah Azza wa Jal a cité en parabole dans Sourate Ibrahim. Naam. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité en exemple le palmier, en exemple le palmier al-Nakhla. Et Allah Azza wa Jalla a ordonné au prophète alayhi salatu wa sallam d'endurer avec les gens du iman, de rester avec les gens de la foi. Sbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhahu. Donc tu dois patienter avec ces gens-là, avec les gens du iman, pour obtenir tous ces mérites et être avec eux dans ce bas monde et également dans l'au-delà. Et parmi les grands savants, Al-Shaykh Al-Allama Al-Mufassir Usuli Abdurrahman Ibn Nasser Sa'di, il a écrit le livre Shajaratul Iman. Il a écrit un livre sur l'iman, un excellent livre qu'il nous faut chercher. Il l'appelle, je pense en français, l'arbre de la foi. Il est facilement trouvable. Prenez-le et lisez-le. L'arbre de la foi. Il a divisé le livre en plusieurs parties. Parmi les parties, les mérites du iman. Naam, il les a détaillés comme en parle ici Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Si Allah nous facilite, on étudiera ce livre bi'idhnillahi azza wa jal. Ensuite, quatrième point, mualatullahi lahum, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accordera son amour et son secours. L'alliance d'Allah et celui à qui Allah accorde cette alliance, il ne la vilipie pas. L'alliance d'Allah et celui à qui Allah accorde son alliance, il ne l'avilie pas. Et Al-Wali, c'est le Muhibb al-Qarib. Al-Wali, c'est qui? C'est celui qui est proche. Na'am. Et celui qui aime et qui secourt. Qu'Allah Azza wa Jal accorde cela aux croyants. Comme ça nous est dit dans le verset. La traduction des sens, Allah est l'allié de ceux qui croit. Il y a une voiture Renault Kadjar qui gêne une voiture qui doit partir. S'il y a une personne du Masjid qui a cette voiture là, on lui demande de déplacer. C'est la personne d'entre vous? Ensuite, Allah ordonne aux anges de les affermir. Et ton Seigneur révéla aux anges, je suis avec vous, affermissez donc les croyants. Ensuite, des degrés élevés, un pardon, une subsistance abondante. À eux, des degrés élevés auprès de leur Seigneur, ainsi qu'un pardon et une subsistance abondante. Respectivement, dans Sourate Ghafir, Al-Baqara, Al-Anfal. Et encore Al-Anfal. Puis dans Sourate Al-Munafiqin, la puissance, Allah Azza wa Jalla accorde aux croyants Al-Izza, la puissance. C'est Allah qui appartient à la puissance, ainsi qu'à son messager, aux croyants, mais les hypocrites ne savent pas. Ensuite, dans Suratul Anfal, la compagnie d'Allah, qui accompagne les adeptes de la foi, Allah est avec les croyants. Allah est avec les croyants. Al-Ma'iyah, le fait qu'Allah soit avec ses créatures, se divise en deux. C'est venu dans les textes et il y a deux sens. Le premier, c'est ce qu'on appelle Al-Ma'iyatul Amma. Le fait qu'Allah Azza wa Jalla soit avec ses serviteurs de manière générale. Na'am, il est avec eux, il les surveille, il les voit, il les entend. Ça, c'est pour l'ensemble de ses serviteurs. le croyant ou le croyant, la personne pieuse, la personne qui n'est pas pieuse, tout le monde. Na'am. Wa huwa ma'ahum ayna ma kan. Na'am. Dans sourate Al-Mujadila. Non. Illa wa ma'ahum ayna ma kan. Le deuxième sens, c'est ce qu'on appelle al-ma'iyatul khas. Le fait qu'Allah Azza wa Jal, en plus de cela, soit tout particulièrement avec certains serviteurs. Avec les gens de la bienfaisance, avec les gens de l'endurance, et d'autres. Wa hadhihi al-ma'iyyah taqtadi, et le fait qu'il soit avec ses serviteurs tout particulièrement, il va donc les secourir, les défendre, les protéger, les affermir, les guider, les préserver, et tous les sens qui entrent eux dans cette portée, dans ce, yani tout ce qui va dans ce sens. Donc celui qui fait partie des adeptes du iman, il obtiendra tout cela bi'idhnillahi azza wa jal. Ajoutez à cela l'élévation en ce bas monde et l'au-delà. Allah élève en degré ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui auront reçu le savoir. Non. Donc toute personne qui a cette caractéristique, qui fait partie des gens du iman, est élevée chez Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce n'est que les gens de science, eux sont élevés dans les hauts degrés. Eux sont élevés dans les hauts degrés. Il faut l'iman avec l'ilm. L'ilm ma'a l'iman. Dixièmement, l'octroi de deux parts de sa miséricorde, d'une lumière avec laquelle ils cheminent et d'un pardon de leurs péchés. Tout cela pour les gens du iman. Pour cela, il y a le verset dans Sourate Al-Hadid, le verset 28. Pour vous qui avez cru, craignez Allah et ayez foi en son messager. Jusqu'à la fin du verset. Dans certaines versions, il y a le verset. Dans d'autres versions, il n'y a pas le verset. Onzièmement, l'affection qu'Allah leur accorde. Ainsi, il les aime et les fait aimer de ses anges, ses prophètes et serviteurs pieux. Il y a le verset dans Sourate Maryam, le verset 96. Ceux qui ont cru et ont fait de bonnes œuvres, le Tout Miséricordieux leur accordera l'affection. L'affection, l'amour. Deuxièmement, la préservation de toute peur au jour où elle s'intensifiera. Ceux qui croient et se corrigent n'ont aucune crainte à avoir et ne seront point affligés. Ça sera accordé aux adeptes du tawhid. Ça sera accordé aux adeptes du tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم صادقين. J'ai oublié le verset. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Ni la sécurité sera accordée à qui? La guidée sera accordée à qui? À ceux qui ont eu la foi et n'ont point troublé leur foi par le shirk. Par le shirk. Plus la personne concrétise l'iman, plus elle aura la sécurité et la guidée. Et c'est pas que dans ce bas monde, c'est dans ce bas monde, dans l'au-delà également. Donc dans Sourate Al-An'am, le verset 48, ceux qui croient et se corrigent n'ont aucune crainte à avoir et ils ne seront point affligés. Et dans le hadith, wa izzati wa jalali la ajma'u li 'abdi bayna khawfayn wa la amnayn. Fa in aminani fi ad-dunya khaftu yawma yawma ajma'u 'ibad. Allah Azza wa Jal nous montre dans un hadith qudsi qu'il n'unira pas sur son serviteur entre deux craintes ni deux sécurités. S'il se sent à l'abri dans ce bas monde, il lui fera peur dans l'au-delà, le jour où les gens sont réunis. Et s'il a peur dans ce bas monde, il lui accordera la sécurité. Il lui accordera la sécurité le jour où il réunira les gens. Treizièmement, ils sont ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits et dont on nous a ordonné de demander d'appartenir chaque jour et nuit 17 fois. De qui s'agit-il ? Ça fait référence à la dua dans Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha, c'est une dua. Quand tu récites le Fatiha, tu fais une dua. Ihdina sirat al-mustaqim. Ça, c'est talab, ça, c'est la demande. Naam, guide-nous sur le chemin de ceux que tu as. Mada ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le chemin droit. Sirat al-ladina an'amta alayhim. Le chemin de ceux que tu as comblé de tes bienfaits. Naam, ça revient au verset. Wa man ti'illah wa rasoulah. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. 17 fois par jour, de par l'importance de cette dua qui est la dua la plus importante, on te l'a rendue obligatoire dans chaque rak'ah obligatoire. Donc 17 fois. 17 fois par jour, tu demandes à Allah Azza wa Jal de t'accorder la guidée, donc de faire partie du nombre de ces gens-là, de ce groupe qu'Allah a comblé de ses bienfaits. Naam, à commencer par les prophètes et les très véridiques. Aussi pour eux, les gens du iman, le Coran est une guidée et une guérison. Dans Surat Fussilat, verset 44, traduction des sens de ce verset. Pour ceux qui croient, il est une guidée et une guérison. Et quant à ceux qui ne croient pas, ils est une surdité dans les oreilles et ils sont frappés aveuglément en ce qui le concerne. Naam. Le Coran est bénéfique aux gens du iman. Ce sont les gens du iman qui ont foi au Coran, qui savent que c'est la parole d'Allah Ar-Rahman, qui le méditent, se soignent avec, le mettent en pratique, cherchent ses ordres pour les appliquer, ses interdits pour s'en éloigner, ses informations pour y croire. Naam, ça c'est l'action des gens du iman, c'est eux qui en tirent le plus profit. Aussi dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que le rappel est profitable aux croyants. Naam, le rappel est profitable à qui ? Aux croyants. Et que ce rappel sera utile pour qui ? Pour celui qui a un cœur. Pour celui qui a un cœur, ni qui est vivant. Et pour celui qui redoute sa menace, c'est à ces gens-là que le rappel sera profitable. Puis Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: "Wal maqsoud an al-iman sabab jalib li kulli khayr wa kullu khayr fi ad-dunya wal akhirati fasabuhu al-iman wa kullu sharr fi ad-dunya wal akhirati fasabuhu 'adam al-iman." Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: en somme, la foi est le moyen d'obtenir tout bien et la cause de tout bien en ce bas monde et dans l'au-delà, alors que la cause de tout le mal en ce bas monde et dans l'au-delà est l'absence de la foi. Ici Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a tout résumé et il nous dit que l'iman, la foi, c'est la cause et le moyen pour obtenir tout bien. Et tout bien obtenu dans ce bas monde, sa cause c'est l'iman, c'est la foi. Et tout mal reçu dans ce bas monde, la cause est le fait de ne pas avoir l'iman. Puis il nous dit: فَكَيْفَ يَهُونُ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَرْتَكِبَ شَيْئًا يُخْرِجُهُ مِنْ دَائِرَةِ الْإِيمَانِ وَيَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَلَكِنْ لَا يَخْرُجُ مِنْ دَائِرَةِ عُمُومِ الْمُسْلِمِينَ. Comment le serviteur peut-il dédaigner une chose qui le fait sortir du cercle de la foi et s'interpose entre lui et celle-ci. Après avoir entendu tous les bienfaits du iman, comment est-ce que le serviteur pourrait se laisser aller à commettre des péchés qui vont l'exclure de ce cercle-là? Puis il dit, pour préserver la croyance authentique et nous montrer le jugement de celui qui commet des grands péchés, sort pas de l'islam. Il sort de l'excellence, du cercle de l'excellence, du cercle des croyants, mais il reste musulman. Il reste musulman. Ça ne veut pas dire qu'il devient kafir du fait qu'il a commis des grands péchés, comme c'est la croyance des gens de la sunna. Mais il ne sort pas du cercle de l'ensemble des musulmans. Vous avez compris. Celui qui commet des grands péchés, il reste un musulman. On ne dit pas, comme il fait des péchés, il sort de l'islam. Non. Mais il est croyant de par sa foi, mais c'est un fasiq, c'est un pervers de par ses péchés. On l'appelle aussi le fasiq ou le milli, le pervers de la voie. C'est-à-dire qu'il n'est pas sorti entièrement de l'islam. Mais sa foi est faible. Sa foi est faible. Il mérite une punition de la part d'Allah Azza wa Jal. Naam. Et s'il meurt dans cet état-là sans s'être repenti, naam, il mérite un châtiment chez Allah Azza wa Jal. Mais il reste et demeure sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il le châtie pour ses péchés, de par sa justice. Et s'il veut, il lui pardonne. Naam, il le met directement au paradis, de par sa miséricorde et sa pitié. Donc il est tahta al-mashi'a. On dit de lui qu'il est tahta al-mashi'a. Il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il le pardonne. S'il veut, il le châtie. S'il lui pardonne, c'est par sa grâce, sa miséricorde et sa pitié. S'il le châtie, c'est par justice. Parce qu'il mérite cela de par ses agissements sans s'être repenti. Et dans cela, il y a une réfutation au Khawarij, la secte de Al-Khawarij et la secte de Ma'ad al-Mu'tazila et d'autres qui ont suivi leur chemin, qui disent que la personne qui commet des grands péchés, elle sort de l'islam, quel que soit le péché. Au point, l'un d'entre eux dit, je ne connais plus de croyants sur terre si ce n'est moi et une autre personne qui habite dans tel continent. Tellement ils rendent kuffar et à n'importe qui. Lui, il a fait telle chose, il sort de l'islam. Quand ils ont une discussion entre eux, ils refont shahada plein de fois. Parce que pour eux, dès qu'ils font une faute ou un péché, ils sont sortis de l'islam. Donc, il faut refaire la shahada. Donc, dans la même assise, ils sont 10, il y en a 9 qui sortent de l'islam selon eux. Ensuite, ils refont shahada. Naam. Ensuite, ils refont shahada. Naam. Quel égarement. Puis il dit, rahimahullah ta'ala, فَنِسْتَمَرَّ عَلَى الذُّنُوبِ وَأَصَرَّ عَلَيْهَا خِيفَ عَلَيْهِ أَنْ يَرِيْنَا عَلَى قَلْبِهِ فَيَخْرُجُهُ عَنِ الْإِسْلَامِ بِالْكُلِّيَّةِ فَيُخْرِجُهُ عَنِ الْإِسْلَامِ بِالْكُلِّيَّةِ وَمِنْهَا هُنَا اشْتَدَّ خَوْفُ السَّلَفِ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ أَنْتُمْ تَخَافُونَ الذُّنُوبِ وَأَنَا أَخَافُ الْكُفْرِ وَلَيَخْفَ عَلَيْكُمْ أَثَرَ ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى حين قال أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخافون النفاق كلهم يخاف النفاق على نفسه ولا يخفى عليكم موقف إبراهيم عليه السلام وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام نعم وإذا كان هذا خوف خليل الرحمن وكاسر الأصنام عليه السلام على نبينا الصلاة والسلام خاف يعني من الشرك الجلي فنحن أحق بذلك والله المستعان وخاف النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة الرياء نعم الشرك الأصغر فنحن نخاف على أنفسنا من الأكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc tout bien obtenu a pour cause la foi et tout mal l'absence de foi. Comment le serviteur peut-il dédaigner une chose qui le fait sortir, animé, prisé ou ne pas accorder d'importance ni de gravité à une chose qui le fait sortir du cercle de la foi et s'interpose entre lui et celle-ci? Malgré tout, il ne sort pas du cercle de l'ensemble des musulmans. Mais s'il persiste sur les péchés, on a peur pour lui de voir son cœur recouvert d'une rouille. Comme dans le verset, Kalla bal rana ala qulubihim. Et qu'ainsi il sort totalement de l'islam. Et en restant dans les péchés, on a peur pour lui. Naam, que son cœur soit scellé et qu'il finisse au final par sortir complètement de l'islam. C'est pour cela que la crainte des pieux prédécesseurs était intense. Comme l'a dit l'un d'eux, vous craignez les péchés, moi je crains la mécréance. Et méditez le verset de Sourate Ibrahim concernant son histoire, alayhi salam, lorsqu'il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en disant Wadunubani, et éloigne-moi moi, Wabani, et ma descendance, An-na'bud al-asnam, de l'adoration des idoles. Ibrahim alayhi salam, qui a concrétisé le tawhid, a compris la valeur de l'iman. C'est pour ça qu'il avait peur de tomber dans le shirk apparent. Il ne se sentait pas à l'abri. Il savait que seul Allah préservait les serviteurs. Deuxièmement, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Ô notre Seigneur, elles ont égaré bon nombre de tes serviteurs. Une chose qui touche énormément de monde, on en a peur. Quand 3-4 personnes ont une maladie, peut-être on n'y accorde pas d'importance. Quand ça commence à toucher 50 personnes, plus 100 personnes, c'est une épidémie, ça se propage. À ce moment-là, on a peur, nous, par la suite, d'être touchés. Al-shirk, c'est la chose la plus répandue. Al-shirk, c'est la maladie la plus répandue. Il n'y a pas une maladie plus répandue que al-shirk. Donc, Ibrahim a.s., on a eu peur pour lui, Naam, et ses enfants ou bien sa descendance. Donc, nous, on doit avoir peur. Et le prophète a.s. a entendu un jour les sahaba discuter au sujet de Al-Messih al-Dajjal, l'antéchrist. Et il leur a dit, ne vais-je pas vous informer d'une chose que je redoute plus pour vous que cela? Et il leur a dit, Al-Shirku Al-Asra, le polythéisme mineur, Al-Riya, Naam, parce que la personne fait salat, puis suite au regard d'une personne, elle embellit sa salat, ou bien lit le Qur'an, suite à l'écoute d'une personne, elle l'embellit pour avoir ses éloges, et ce genre de choses, et maladie du cœur, ça c'est une chose qui a été redoutée par le prophète alayhi salatu wa salam pour Sahab. Certains parmi ceux qui ont expliqué ces textes-là, on dit, si le prophète sallam en a eu peur pour les sahaba, il a eu peur du shirk asrar, du polythéisme mineur. Nous, on doit donc avoir peur pour nous à notre niveau du shirk akbar, du polythéisme majeur. Il y a un fléau qu'on entendait très très rarement, Naam, sur lequel on était très peu sollicité questionné. Qu'on commence beaucoup, yani on s'aperçoit qu'on entend beaucoup, c'est quoi ce tarq as-salah? C'est quoi? C'est le délaissement de la salat. Naam, c'est une chose que tu n'imaginais pas après avoir connu ad-din, qu'une personne puisse, après avoir goûté l'iman, délaisser salat, délaisser imad ad-din, délaisser le lien solide entre lui et son Seigneur 5 fois par jour. Et on entend beaucoup de nos jours, telle personne a délaissé salat, ou telle femme demande, telle personne a délaissé salat, que dois-je faire? Et ainsi de suite. A'oudou billah, A'oudou billah, tu délaisses la salat, tu abandonnes ta personne, tu sacrifies ta personne. Naam. Celui qui délaisse la salat, le prophète sallam a dit, la limite entre nous et eux, c'est la salat. Celui qui la délaisse, il a un micro. Naam. Comment est-ce que tu peux risquer ton iman, la chose la plus chère que tu as, par laquelle Allah t'a comblé, t'a honoré, t'a élevé, t'a préservé, t'a guidé? Naam. On ne peut pas délaisser salat. Tu peux tout délaisser, mais tu ne peux pas délaisser salat. Non, celui qui délaisse salat, il a délaissé sa personne, il a abandonné sa personne, il a sacrifié sa personne. Non, ça c'est pire que du suicide. La personne qui délaisse le salat, elle a délaissé sa vraie vie. La personne qui délaisse le salat, elle a délaissé sa vraie vie. Non, le fait de vivre avec Allah subhanahu wa ta'ala et de construire son au-delà. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Yani, le laxisme s'installe petit à petit jusqu'à ce que la personne yani, délaisse la salat, le pilier de l'islam. Allahu musta'an. Il y a des gens qui sont dans l'égarement le plus profond, pourtant ils ne se permettent pas de manger dans la journée de Ramadan. Et le degré de la salat et du jeûne n'est pas semblable. Le degré de la salat est bien plus élevé. Le degré de la salat est bien plus élevé. Comment yani, est-ce possible qu'une personne délaisse la salat? فنسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا على التوحيد وعلى السنة ويجعلنا من المحافظين على الصلاة. الله عز وجل nous a pas ordonné simplement la salat, mais إقام الصلاة المحافظة على الصلاة حافظوا على الصلوات. الله عز وجل nous a pas juste dit prier, non, préserver l'accomplissement de la prière Et il a fait les éloges de ses prophètes du fait qu'ils ordonnaient la salat à leur famille. وَكَنْ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ. Et il ordonnait à sa famille la salat. En parlant de qui? D'Ismaïl. Si mes souvenirs sont bons, en surat Maryam. Naam. Et dans le Coran, surat Taha, وَأْمُرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. Et ordonna ta famille la prière. Yani la salat, c'est une chose qui est une des choses qui est la plus sérieuse. Et l'enfant, à partir de 7 ans, il est initié à cette salat. Comment est-ce qu'il pourrait la délaisser après? Il y a les 30 ans plus tard, ou là, plus, ou là. Non. Ça, c'est une chose qui ne peut se séparer de la personne, comme son âme. Au moment où son âme se sépare d'elle, quand l'ange de la mort vient la récupérer, c'est qu'il n'y a plus de vie dans la personne. Ben, au moment où la salat, elle sépare du musulman, hein, au moment où la salat, elle se sépare de lui, c'est parce qu'il va mourir. Il ne peut plus saluer. Il ne peut plus saluer. Naam. Même la femme qui est dans les douleurs des contractions, naam, elle est encore dans sa salat. Tant qu'elle n'est pas, Mufasa, elle est encore dans sa salat. Naam, sauf si le sang est sorti, il y a année avant, il y a quelques heures avant, ou un jour avant. Certains savants disent même deux jours avant. Ah, la kulli hal salat, c'est la chose à laquelle on s'accroche. Encore plus que celui qui est au milieu de la mer, qui est tombé en mer et qui n'a qu'une bouée pour rester la tête en dehors d'eux. Le pire qui puisse lui arriver à lui, c'est le décès, et le décès tout le monde l'aura. Quant à celui qui délaisse la salat, non, ce qu'il peut lui arriver, c'est an-nar wal iyad billah. C'est an-nar wal iyad billah. Certains disent par exemple, comme je suis au travail, je rentre le soir et je rattrape mes salat. Non, hadha ma aqama as-salat. Lui, il n'a pas accompli la prière. Lui, il n'a pas compris la prière. Allah Azza wa Jal lui a ordonné d'accomplir la prière, pas de prier comme il le veut. Donc, il y a des heures, il y a une façon de faire, il y a des piliers, il y a des conditions, il y a des obligations, il doit respecter tout cela. Et rien de dunya ne doit venir affecter cette salat. Non, nous faire faire un mauvais choix entre la salat et telle chose. Non, au point la personne dit, je rentre le soir et je rattrape 3 salat. Allahu Akbar. Naam, 3. Et il dit, comment je fais pour les rattraper? Mais comment est-ce que tu fais pour les délaisser? Al-Mu'min n'arrive pas à la délaisser. Même si on le force à la délaisser, il n'arrive pas. S'il essaierait, il n'arriverait pas à la délaisser, la salat. De par son iman, Allah Azza wa Jalla le maintient sur cette salat. Le malade, on lui a dit de faire salat. Celui qui est engagé dans l'armée pendant la guerre, il fait salat. Allah Azza wa Jalla lui enseigne dans le Coran comment faire salat. Et en groupe, que dire alors de celui qui est assis tranquillement? Il va délaisser salat? Ou parce qu'il travaille, il va délaisser salat? Là. Al-Mu'min, il s'accroche à cette salat. Et c'est la chose la plus importante. Il vit au rythme de cette salat. Non? Et personne ne saurait lui interdire de salat, ni même ses propres parents qui l'ont mis au monde. À défaut d'un patron ou d'une autre personne. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tu trouves des handicapés, personnes en fauteuil roulant et des aveugles qui viennent jusqu'au masjid, ils habitent pas à côté. Il y a un frère de chez nous, de Bobigny, qui vient en fauteuil roulant du centre-ville jusqu'ici. Quand on passe en voiture, on le voit arriver du centre-ville jusqu'ici. Salli avec. Et il vient jusqu'ici à Tloubli'i. Comment est-ce que nous, en bonne santé, en apparence, et Allah est savant du contenu de nos cœurs et des maladies qui y habitent, comment est-ce que nous on va délaisser ça? Naam. T'as honte d'Allah subhanahu wa ta'ala quand tu vois des frères ainsi faire ces efforts-là, toi de ne pas venir. Ana sallallahu alayhi wa sallam. Se rappelle car, subhanallah, en quelques jours, ce cas-là s'est présenté plusieurs fois. Naam, délaissement de salat. Délaissement de salat. Na'oudhu billah min dhalik. Et Ibn Abi Mulayka, rahimahullah ta'ala, disait, j'ai rencontré une trentaine de compagnons. Tous avaient peur de faire partie des hypocrites. Tous avaient peur de faire partie des hypocrites. Et Omar ibn Khattab a attrapé Sahiba Sirri de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le confident du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, Hudhaifa. Et il lui a dit, je te demande par Allah, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité des hypocrites? Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a annoncé au paradis plus d'une fois. Donc c'est ainsi que doit être le croyant. Il sait que l'iman c'est la chose la plus précieuse qu'il a. Il s'y accroche. Il apprend à le développer, à l'augmenter jusqu'à goûter son goût, son délice. Et il apprend ce qui l'entache, le diminue, l'annule pour s'en prémunir, s'en préserver. C'est ainsi que doit être Al-Mu'min avec Al-Iman. Il le préserve autant que possible, car c'est son trésor le plus précieux. Puis, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, et nous cite d'autres répercussions des péchés. Et là, il va nous montrer que les péchés affaiblissent le cheminement du cœur vers Allah. Toi, fi dunya, tu es comme un voyageur, n'est-ce pas? Et ta destination que tu dois viser, rechercher, c'est l'au-delà chez Allah tabaraka wa ta'ala. Ibn al-Qayyim nous dit que les péchés, wa min uqubatiha, anna tud'ifu sayr al-qalbi ila Allah wa ad-dar al-akhir. Les péchés affaiblissent le cheminement du cœur vers Allah et la demeure de l'auteur. Allah, c'est le maqsoud, le ma'boud, le ma'louh bihaq. Allah, c'est celui qui est aimé, celui qui est visé par toutes les actes d'adoration. C'est le but recherché. Et l'au-delà, c'est la demeure de la rétribution. C'est pour ça qu'ils nous prennent les sites ensemble. Et on les trouve souvent. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir. C'est pour ça qu'on les cite juxtaposés comme ça, parce que le premier c'est le but, le deuxième c'est où il y a la récompense, où il y a la rétribution. Le premier, ton amour pour lui fait que tu avances, et le deuxième, l'espoir de la récompense et la peur du châtiment fait que tu fais ou tu ne fais pas. Donc ce sont les grands moteurs. Et la personne avance vers Allah Azza wa Jal et chemine vers lui avec son cœur, pas avec son corps. Plus le cœur est en bonne santé, plus il sera fort, plus les membres suivront. Et plus le cœur est malade et blessé, plus il sera faible et les membres ne suivront pas. Donc il dit أو تعوقه أو توقفه وتقطعه عن السير فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة. هذا إن لم ترده عن وجهته إلى ورائه فالذنب يحجب الواصل ويقطع السائر وينكس الطالب والقلب إنما يسير إلى الله بقوته فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره فإن زالت بالكلية انقطع عن الله انقطاعا يصعب تداركه والله المستعان. Ça c'est à noter, c'est une faïda azima jidda. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, les péchés affaiblissent le cheminement du cœur vers Allah et la demeure de l'homme. Voix obstrue totalement le chemin et le stop, l'empêchant de faire tout pas en direction d'Allah. Les péchés peuvent handicaper le serviteur et son cheminement vers Allah, au point qu'il n'arrive plus à faire un seul pas vers Allah Azza wa Jalla. Un pas, il n'arrive plus. Tu viens l'appeler pour faire salat, tu viens l'appeler pour s'asseoir dans le vers, il n'arrive plus, il ne peut plus bouger. Il ne peut plus bouger, il n'arrive plus à faire un pas. À l'inverse, lorsque les shayatines parmi le djinn et parmi l'ins l'appellent pour le haram, tu le vois accourir. Tu le vois accourir. Comme l'éléphant qui a ramené Abraha pour détruire Al-Kaaba. Lorsqu'on lui demandait d'avancer dans le Kaaba, il n'avançait pas. Et lorsqu'on lui mettait les autres sens, il a couru. Non. La personne, si son cœur est en vie, si son cœur est vivant et en bonne santé, il pourra, avec ses membres, avancer vers Allah. Dans le cas contraire, Ibn al-Qayyim nous dit, il sera handicapé. Ou bien, il s'arrêtera. Ou pire encore, il fera marche arrière. La personne qui tombe dans le haram, elle va faiblir dans son avancée vers Allah. Tu vois, quand même, il fait du khayr. Mais vient un moment, s'il n'arrête pas, vient un moment où il n'arrive plus à avancer. Ibn Qayyim dit jusqu'à ce qu'il n'arrive plus à faire un seul pas. L'étape d'avant, c'est qu'il devient handicapé dans la marche vers Allah. Et handicapé du cœur. Donc il n'arrive plus à avancer comme les autres. N'est-ce pas? Et lorsque la lionne se jette sur le troupeau, elle va chercher les petits ou les handicapés. N'est-ce pas? Et Shaitan attrape pareillement celui qui est en dehors du groupe. Celui qui est en dehors de l'avancée du groupe. Cette personne-là commence à avoir un handicap. Cette personne-là commence à faiblir dans sa marche. Elle commence à être affaiblie. Lui vient un moment où elle s'arrête. Ibn Qayyim dit qu'il ne peut même plus faire un seul pas vers Allah. Et il dit, et ça c'est dans le cas où il ne fait pas marche arrière. Il y a pire que ça. C'est quoi? C'est qu'il retourne sur ses pas. Il s'était repenti, il avait arrêté des péchés, il avait changé, il est rentré dans le dîn, dans l'islam ou dans le sunnah. Il fait marche arrière. A'oudhu billah. Ça fait partie des effets des péchés. Ce paragraphe-là suffit à délaisser les péchés. Que dire alors de toutes les pages qu'on a eues et toutes les pages qu'il reste? Rahimahullah. Puis il me dit, Rahimahullah ta'ala, si cela ne le fait pas revenir en arrière, les péchés voilent tout de même l'objectif. Stoppe le cheminement et détourne l'homme de son but. Le cœur chemine vers Allah par sa force. Ça, faut le noter. Le cœur, la personne, elle ne chemine pas vers Allah par la force de son corps. Non, par la force de son cœur. Ainsi, s'il tombe malade en raison des péchés, cette force qui le meut faiblit. Et si elle disparaît totalement, il se coupe d'Allah d'une manière qui est difficile de rattraper. Écoutez les conséquences des zoulous. Celui qui est là, qui avance, ça coupe son acheminement. Et le cœur avance avec sa force. Donc s'il tombe malade, cette force diminue. Et si elle diminue totalement jusqu'à disparaître, alors il sera coupé d'Allah. D'une manière qu'il sera très difficile de rattraper. Certaines personnes, l'année, elles tombent, mais elles sont rattrapables. Non, elles sont rattrapables. Je lui fais une exhortation, il se rend compte de son erreur, de son égarement, il revient rapidement. Mais d'autres, c'est tellement profond, et c'est tellement mazah, ça a tellement détruit le qalb, que pour revenir, c'est très très difficile. Wallahu musta'an. Mais on ne désespère pas. Allahu musta'an. Celui dont l'aide vient, celui dont l'aide est recherchée, c'est Allah. Si Allah Azza wa Jalla décide, il fait revenir. Combien sont ceux qui étaient les plus grands ennemis du prophète alayhi salatu wassalam et sont devenus les plus grands sahabes? C'est pour cela que tu trouves la personne handicapée physiquement qui assiste à la salat. Et la personne qui a la bonne santé physiquement qui n'assiste pas à la salat. Parce que la vraie santé, c'est la santé du qalb. La vraie force, c'est la force du qalb. La personne qui n'arrive pas, c'est pas par rapport au corps, c'est par rapport au qalb. Naam, c'est par rapport au qalb. Et ça t'apparaît d'une manière évidente dans les adorations. Dans la salat en groupe, salat al-tarawih, dans le siyam, dans la lecture du Qur'an, dans le fait de patienter dans les assises, dans le hajj. Naam, il se peut que dans le hajj, tu marches, t'as envie de pleurer, mais t'as pas de larmes. Ou t'oses pas pleurer devant les autres. Naam. Tellement que t'as mal aux pieds, tellement que t'es fatigué, tellement que tu tournes à ta tête, tu vois une personne qui a dépassé 80 années de maza de sa vie et le dos courbé, elle te dépasse. Tu dis subhanallah. Et elle se plaint pas et tu lui dis ça va. Elle dit chouhaj, comment dire autre chose qu'alhamdulillah fini'am. Et toi, t'es dans un hôtel 5 étoiles et cette personne-là, peut-être elle a juste je ne sais combien de kilomètres de la Kaaba, mais elle avance vers Allah avec son qalb. Elle avance vers Allah avec son qalb. Naam. Et certains parmi les anciens arrivaient dans Salat al-Tarawih ou bien dans Qiyam al-Layl à rester debout une grande partie de la nuit. Et des jeunes n'arrivaient pas. Et quand ils demandaient aux chouyours, comment se fait-il que vous arrivez à rester autant de temps debout? Ils leur répondaient, parce que vous restez debout avec votre force à vous. Parce que vous comptez sur votre force à vous. Et nous, Na'am nastamidduha min Allah. Et nous, on la tire d'Allah. On la cherche chez Allah, on abandonne ça à Allah. On ne compte pas sur. Yani, je suis jeune, je suis fort, là, là. Non. Je me tiens debout selon ce qu'Allah me donne. Moi, je suis faible, Allah, donne-moi. Celui qui a cette façon de vivre, yassir aqwan nas, il devient le plus fort. Même si dans son corps, tu le vois faible, maigre, et ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est des qawaïd qu'on doit comprendre. Ça, c'est assez sur le tawhid. Ça, c'est les bases du tawhid. Naam. Puis Ibn Qayyim nous dit فَذَنْبُ إِمَّا يُمِيتَ الْقَلْبُ أَوْ يُمْرِضَهُ مَرَضًا مَخُوفًا أَوْ يُضْعِفُ قُوَّتَهُ وَلَا بُدْ حَتَّى يَنْتَهِيَ ضَعْفُهُ إِلَى الْأَشْيَاءِ الثَّمَانِيَةِ الَّتِي اسْتَعَاذَ مِنْهَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم وهي الهم والحزن جوس الحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين جوس والضلع الدين أي ثقله وغلبة الرجال وكل اثنين منهما قرينان. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala poursuit et dit: le péché fait mourir le cœur, lui cause une maladie alarmante ou diminue sa force d'une manière inévitable, jusqu'à ce que sa force termine à l'un des 8 choses contre lesquelles le prophète sallam a cherché protection. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas l'une des 8 choses? Vous les étudiants, est-ce que c'est ma faiblesse dans la langue ou bien c'est une erreur? C'est une erreur. Alhamdulillah. Donc, à l'une des 8 choses contre lesquelles le prophète sallam a cherché protection, qui sont les soucis ou l'angoisse, on peut traduire la tristesse, l'incapacité et la paresse, l'avarice, très radin, et la lâcheté, le fardeau des dettes et l'oppression des hommes. Celui qui ne délaisse pas les péchés, ça amènera son cœur et son état à tomber dans une des 8 choses contre lesquelles le prophète sallam a cherché protection. Dans le hadith qu'a rapporté l'imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, le prophète sallam a dit: Allahumma inni a'udhu bika min al-hamm wal-hazn wal-'ajz wal-kasal wal-judn wal-bukhl wa dhal' ad-dayn wa ghalabat ar-rijal. Le prophète alayhi salatu wa salam cherchait protection contre ces choses. Et Anas ibn Malik dit: j'ai voyagé avec le prophète sallam à Khaybar et j'étais à son service et je l'entendais souvent dire cette dua: chercher protection contre la tristesse, contre Mada. Yani, ces 8 points-là. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit: tous ces points-là vont de pair. Tout ce qui a été cité, ça va de pair. Puis Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala explique: فالهم والحزن قرينان. Les soucis et la tristesse vont de pair. C'est quoi la différence entre les deux? فإن المكروه الوارد على القلب إن كان من أمر المستقبل يتوقعه أحدث الهم. الهم, الحزن, c'est la même chose. C'est quoi? C'est un problème qui touche la personne, qui perturbe son cœur. Si ce problème-là est rattaché au passé, en arabe on l'appelle al-hazn, la tristesse. S'il est rattaché au futur, on appelle ça al-ham. Et s'il est rattaché au présent, en arabe on l'appelle comment? Hein? Al-ram. Si c'est rattaché au passé, par exemple tu as perdu de l'argent, ça t'attriste. Ça, c'est le huzn, c'est la tristesse. Naam, t'as raté le cours, ça t'attriste, ça c'est le huzn. T'as raté une salade, ça t'attriste, ça c'est le huzn. Naam, si c'est dans le futur, l'angoisse, les soucis. Ça s'appelle al-ham, la peur pour son futur. Comment je vais faire, kadok. Si c'est le présent, ça s'appelle al-ram, avec un rayn. C'est la différence entre les trois. Ensuite, wal-ajz wal-kasal. Prophète a cherché protection contre al-ajz et al-kasal. Al-ajz et al-kasal, les deux, c'est le fait de ne pas faire. N'est-ce pas? C'est le délaissement de l'action. Si c'est pas mada, les adam et kudra, si c'est pas incapacité physique, s'il n'a pas la capacité de le faire, on appelle ça l'adis. Il est incapable. Mais si c'est dû à la faiblesse de la volonté, on appelle ça la paresse. Dans les deux cas, ils ne font pas. Mais il y en a qui ne fait pas parce qu'il ne peut pas. L'autre, il ne fait pas parce qu'il est paresseux. Le prophète a cherché protection contre ceci et cela. Ensuite, wal-jubn wal-bukhl. Al-jubn, c'est la lâcheté. Al-bukhl, c'est l'avarice, c'est le fait d'être avare, radin. Dans les deux, il y a le fait de ne pas être utile aux autres. Dans les deux, il y a le fait de ne pas être utile. Si il n'est pas utile à cause, yani, s'il n'est pas utile de par son corps, la cause c'est quoi? C'est le djoubn, parce que ça lâche. D'accord? Il ne peut pas corriger un mal, il ne peut pas aider parce que ça lâche. Ouais. Si c'est dû à l'avarice, il ne peut pas aider avec son argent parce qu'il aime trop son argent. À ce moment-là, c'est quoi? C'est de l'avarice. Et l'avare s'en lâche. Le radin s'en lâche. Il n'arrive pas à donner parce qu'il a peur. Et le lâche, il n'arrive pas à aider parce qu'il a peur. Les deux, ils n'arrivent pas à agir parce qu'ils ont peur. L'un proche de son argent, l'un faible de corps. Voilà. Il ne peut pas défendre l'opprimé parce que c'est un lâche. Et lui, il ne peut pas aider celui qui est dans le besoin parce que c'est un lâche avec son argent. Voilà. Quelle insulte. Voilà. Quelle insulte. Si on dit à la personne, t'es un lâche, espèce de lâche, c'est une insulte qui est très très très grave. Fi dunya wa din. Hein? Dans la société et dans le din, c'est une insulte qui est très très grave. Très très très grave. C'est un lâche de par son corps, il fait pas de rêve parce que c'est un lâche. Et c'est un lâche avec son argent, il fait pas de rêve parce qu'il est avare. Il accroche avec son argent, il peut même pas sortir la zakat obligatoire que lui a ordonné celui qui lui a donné son argent parce que c'est un lâche. Vous imaginez? Une personne vient et vous donne de l'argent. Elle vous dit tout ça, c'est à toi. Mais tu vas donner 2% ou 2,5% à quelqu'un qui est dans le besoin. Comment est-ce que tu pourrais dire non? C'est impossible. Ça, oh là là. Une personne passe et te donne 20 000 euros. Et elle te dit, tout ça c'est à toi. Naam. Mais tu prends 2,5%, tu le donnes à un tel parce qu'il est dans le besoin. Qui dirait non? Garde les 20 000 parce que moi je ne peux pas faire ça, je suis un lâche. Personne ne va dire ça. Ils vont dire, donne-moi même 5 000 et je lui donne la même part que tu as demandé. Non. Ibn Adam, il prend tout ce qu'Allah Azza wa Jalla lui donne et ensuite il refuse de donner à zakat. Pourquoi? Parce que c'est un lâche. Pourquoi? Parce qu'il est bakhil. Parce qu'il est avare. Parce qu'il est avare. Et wallah al-azim, il y a des qissas, des récits d'ava, t'en crois pas tes oreilles ou tes yeux. Naam, t'en crois pas tes oreilles ou tes yeux. L'un d'entre eux a plusieurs enfants. Il est sur le point, c'est des histoires vraiment. Il est sur le point de décéder. Naam, et Naoud est là de raconter des histoires qui sont fausses pour faire rire les gens. La personne est sur le point de décéder, il a plusieurs enfants. Il y a un fils qui est droit dans le digne et les autres sont égarés. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit à son fils sur son lit, il dit quand les autres partent, viens me voir en privé. Il dit à son fils, à l'époque il n'y avait pas de banque, il n'y avait pas des choses comme ça. Il cachait de l'argent dans les bois ou dans les endroits reculés, il comptait l'endroit, il connaissait, il creusait, il cachait. D'accord, c'était ça la banque. Il a dit à son fils, j'ai telle somme d'argent, beaucoup d'argent, et je l'ai caché dans tel endroit. Personne au courant sauf moi et toi. Et je ne veux pas laisser cet argent parce qu'eux vont faire n'importe quoi. Non, Allah Azza wa Jalla, ne dites pas laisser l'argent aux gens qui sont يعني qui sont égales. À la kulli hal, le père est sur son lit de mort, le fils entend cette information. Il était maftoun. Ça l'a troublé, ça l'a perturbé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas attendu que son père décède. Et il est parti chercher l'argent et il l'a mis dans un autre endroit, dans sa nouvelle cachette Alf. Que s'est-il passé? Allah a guéri le père. Le père, pourquoi est-ce qu'il lui a dit, il lui a dévoilé ce secret-là? Parce qu'il pensait qu'il allait mourir. Quand il a été guéri, il a appelé son fils, il lui a dit, oh mon fils, comme tu le vois, je vais mieux, ramène-moi l'argent. Il lui a dit non. Hein? Le fils a refusé de rendre l'argent au père. Que s'est-il passé plus tard? Le fils est tombé malade. Et il était sur son lit de mort. Quand on dit sur son lit de mort, c'est-à-dire dans sa maladie de laquelle on pense qu'il va mourir. C'est Allah Azza wa Jalla seul qui sait. Il était sur son lit de mort. Son père est venu à son chevet et lui a dit « Où as-tu caché l'argent ? Où as-tu mis ?» Le fils il disait « Non, je dis pas, je dis pas, je dis pas. » Le père l'a supplié de dire. Il lui a dit « Mais subhanallah, l'argent il va disparaître. Tu vas mourir, on n'aura pas l'argent. Dis-moi où est l'argent. » Il l'a supplié tous les jours, il l'a supplié, il l'a supplié. Le fils a dit au père la nouvelle cachée. Le père est parti chercher l'argent. Que s'est-il passé à votre avis ? Allah Azza wa Jalla a soigné l'enfant. Non, l'enfant finalement n'est pas décédé. Qu'est-ce qu'il passait à votre avis? Le père est retombé malade. Non. Et il est encore sur son lit mort. Le fils est venu, il a supplié son père de lui dire où il a caché l'argent. Le père, il a dit, wallah, jamais je vais te dire où est l'argent. Que s'est-il passé? À la fin, le père est décédé et il emporta avec lui le secret de l'endroit de l'argent. Tellement qu'ils étaient avares dans la famille, non, que l'argent, la grosse somme, est parti avec le décès du père. Regardez le fils. Non, pas héritage, taqwallah, kada. Non, mais eux, ils ont une part, eux, ils ont une part. Non. Ensuite, lorsque le propriétaire des fonds les réclame, il refuse de les donner au propre père. Ton argent à toi, si ton père te le demande, anta wa maluka li abik. Toi et ton argent, vous êtes à ton père. Que dire alors? Ça, c'est l'argent du père. Le fils, il veut plus les rentrer. Ensuite, le père, il est prêt à rentrer dans sa tombe et il ne dit pas la cachette de l'argent. Non. Ça, ça fait partie des histoires de l'Bukhala. Les histoires des avares. Non. Certains savants réunissent les histoires des avares. Parmi ces histoires, il y a celle-ci. Allahu Akbar, il rentre dans sa tombe avec son argent. Non. D'autres ont été enterrés. Non. Avec leur argent. D'autres ont été enterrés avec leur argent. Ils avaient caché de l'argent à l'endroit. Puis ils ont dit aux gens, lorsque je décède, vous creusez là et vous me mettez là. Pour être sûr que personne ne va partir avec son argent. Allah musta'an. Ala kulli hal, fa inna adama an-naf'i minhu in kana bi badani fa huwa al-jubn wa in kana bi mali fa huwa al-bukhl. Donc le fait de ne pas tirer profit de la personne, si c'est avec son corps, c'est la lâcheté, et si c'est avec son argent, c'est l'avarice. Donc le point commun, c'est d'être utile, de ne pas être utile aux autres. Ensuite, wa dal'u ad-dayn wa qahru ar-rijal. Ces deux choses-là aussi vont de pair. Dal'u ad-dayn, c'est la lourdeur des péchés, le fardeau des dettes. Et qahru ar-rijal, c'est l'oppression des hommes. Quel est le point commun entre les deux? C'est le fait d'avoir une pression extérieur. C'est le fait d'avoir une pression extérieure, une personne qui soit au-dessus de nous. Une personne qui soit au-dessus de nous. فَإِنْ اسْتَعْلَى الْغَيْرُ عَلَيْهِ فَإِنَّ اسْتِعْلَى الْغَيْرِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ بِحَقٍ فَهُوَ مِنْ ضَلْعِ الدَّيْنِ. Cette personne qui a le dessus sur toi, si elle est en droit d'être dans cette position, c'est dû aux dettes. Parce que tu lui dois. Il t'a prêté pour un délai, tu dois lui rendre. Et si c'est injustement, ça rentre dans quoi? Qahru ar-rijal. L'oppression des gens. L'oppression des gens. Le Prophète sallam a cherché refuge auprès d'Allah contre tout ça. Et les péchés, ça amène à cela. Les péchés, ça amène à cela. La tristesse, ou bien les soucis, l'incapacité, ou marga. La fainéantisme ou la paresse, l'avarice ou la lâcheté, et le fardeau des dettes ou l'oppression des hommes. Tout cela pour dire que les péchés sont une des plus grandes causes qui amènent à ces huit choses. كما أنها من أقوى الأسباب الجالبة لجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. Tout comme les péchés sont des causes, tout comme ils provoquent la disparition des bienfaits d'Allah et de sa protection et la soudaineté de sa vengeance et de l'ensemble des formes de son courroux. Avant ça. En somme, les péchés comptent parmi les plus grands moyens de provoquer ces huit choses. Et de même que le fait d'être frappé par la dureté de l'épreuve, rattrapé par le malheur, subir une mauvaise prédestination et de réjouir les ennemis. Et de réjouir les ennemis. L'ennemi, il aime bien quand tu es dans la difficulté dans l'épreuve. De même qu'il provoque la disparition des bienfaits d'Allah et de sa protection et la soudaineté de sa vengeance et de l'ensemble des formes de son courroux. Ensuite, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous montre que tout comme ça fait disparaître les bienfaits, ça amène le malheur. وَمِنْ عُقُوبَةِ الذُّنُوبَ أَنَّهَا تُزِيلُ النِّعَمَ وَتُحِلُّ النِّقَمَ. Donc les péchés dissipent les bienfaits et attisent les malheurs. فَمَا زَالَتْ عِنْدَ الْعَبْدِ نِعْمَةٌ إِلَّا بِذَنْبِ وَلَا حَلَّتْ بِهِ نِقْمَةٌ إِلَّا بِذَنْبِ كَمَا قَالَ عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا نَزَلَ بَلَاءٌ إِلَّا بِذَنْبِ وَمَا رُفِعَ إِلَّا بِتَوْبَةٍ. Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala nous dit: le serviteur ne perd aucune richesse et ne subit aucun malheur sans que la cause profonde ne soit l'un de ses péchés. Et l'épreuve ne se dissipe que par le repentir. Comme l'a dit Ali ibn Abi Talib, le malheur ne survient qu'en raison d'un péché et ne disparaît que par le repentir. Celui qui est éprouvé dans quelque chose, qu'il cherche en lui avant d'accuser les autres. Il se peut que les autres soient injustes. Mais toi, cherche en toi, parce que le malheur, il vient suite à un péché. Et le bienfait disparaît suite à un péché. Alors la première étape, c'est que toi, tu fouilles en ta personne et tu cherches. Que nous fouillons en nos personnes et que nous cherchons. Ça, c'est la première étape. Naam. Ça, c'est la première étape. Comme Allah nous dit en Coran, وَمَا صَبَكُمْ مِنْ مُصِبَةٍ فَمِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Aucun malheur ne vous atteint si ce n'est en raison de ce que vous avez commis et il pardonne beaucoup. Et dans l'autre verset, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُمْ مُغَيِّرَ النِّعْمَةً نَعْمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِ. Ceci car Allah ne change pas un bienfait qu'il a accordé à un peuple avant que celui-ci change ce qui est en lui-même. Et concernant le peuple de Nuh, Allah Azza wa Jalla dit مِمَّا خَطِئَاتِهِمْ أُغْلِقَ. Et suite à leurs péchés, ils ont été noyés. Donc le malheur, il vient des suites de quoi? Du péché. Et dans Sourate Al-Ankabut, فَكُلَّنْ أَخَذْنَا بِذَنْبِ. Chacun a été saisi par son péché. Naam. Pharaon a été noyé, un tel a eu ceci, un tel a eu cela. Pourquoi? بِذَنْبِ. Par leur péché. Pharaon a été enseveli, avalé dans la terre. De la même façon, il n'y a pas une chose qui préserve mieux les bienfaits et repousse mieux le malheur que taqwa Allah, que la piété. Le premier verset dans Surah Shura et le second dans l'Anfal. فأخبر الله تعالى أنه لا يغير نعمته التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه. Très important. Allah Azza wa Jalla a informé dans le Coran que lui ne changeait pas les bienfaits qu'il accordait à ses serviteurs. Tant que ses serviteurs eux-mêmes ne changeaient pas leur être. Vous êtes dans le bien, Allah vous donne. Vous voulez aller dans le mal, Allah enlève. Donc c'est le serviteur qui agit. C'est le serviteur qui cause le fait qu'Allah Azza wa Jalla lui retire. فَيُغَيِّرُ تَعَاتَ اللَّهِ بِمَعْصِيَتِهِ وَشُكْرَهُ بِكُفْرِهِ. Il a changé l'obéissance d'Allah par sa désobéissance, sa reconnaissance par l'ingratitude, la mécréance. Les causes de son agrément par les causes de son courroux. Ainsi, s'il change, Allah change ce qu'il lui accordait d'une rétribution similaire. Et Allah n'est pas injuste envers le serviteur. Ton Seigneur n'est jamais oppresseur envers le serviteur. Sourate Fussilat. Fa'in ghayyara al-na'am. Fa'in ghayyara al-ma'siyata bi-ta'ati ghayyara Allahu 'alayhi al-'uqubata bil-'afiyati wadh-dhulli wadh-dhulla bil-'izz. S'il passe de la désobéissance à l'obéissance, Allah change le châtiment en bienfait et l'humiliation en puissance. Donc que la personne choisisse ce qu'elle souhaite recevoir d'Allah Azza wa Jalla. قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. Dans sourate Ar-Ra'd, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Et lorsqu'Allah veut infliger un mal à un peuple, nul ne peut le repousser. Il n'en dehors de lui aucun protecteur. وفي بعض الآثار الإلهية عن الرب تبارك وتعالى قال وعزتي وجلالي لا أكون عبد من عبادي على ما أحب ثم ينتقل عنه إلى ما أكره إلا انتقلت له مما يحب إلى ما يكره ولا يكون عبد من عبادي على ما أكره ثم ينتقل عنه إلى ما أحب إلا انتقلت لا إلا انتقلت له ما يكره. انتقلت له ما يكره إلى ما يحب. On rapporte que le Seigneur a dit: par ma puissance et ma majesté, pas un de mes serviteurs ne fait ce que j'aime puis passe à ce que je déteste sans que je ne le fasse passer de ce qu'il aime à ce qu'il déteste. Pas un de mes serviteurs ne fait ce que je déteste puis passe à ce que j'aime sans que je ne fasse passer sans que je ne le fasse passer de ce qu'il déteste à ce qu'il aime. Et quelle belle parole que celle-ci. وَإِن كُنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَرْعَهَا فَإِنَّ الْمَعَاصِي تُزِيلُ النِّعَمِ. Si tu vis un bienfait, préserve-le, car les péchés font disparaître les bienfaits. وَحُطْهَا بِطَاعَةِ رَبِّ الْعِبَادِ فَرُبَّ الْعِبَادِ سَرِيعُ النِّقَمِ فَرَبُّ الْعِبَادِ سَرِيعُ النِّقَمِ. Entoure-le de l'obéissance au Seigneur des hommes, car le Seigneur des hommes est prompt en punition. وَإِيَّاكَ وَالظُّلْمَ مَهْمَا اسْتَطَعْتَ فَظُلْمُ الْعِبَادِ شَدِيدُ الْوَخَمِ. Prends garde à l'injustice autant que tu le peux, car l'injustice causée aux hommes est très nocive. وَسَافِرْ بِقَلْبِكَ بَيْنَ الْوَرَى لِتُبْصِرَ آثَارَ مَنْ قَدْ ظَلَمَ. Voyage par ton cœur parmi les hommes afin de voir les vestiges de ceux qui ont commis l'injustice. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ بَعْدَهُمْ شُهُودٌ عَلَيْهِمْ وَلَا تَتَّهِمْ أَوْ تُتَّهَمْ. Voici leurs demeures restées après eux, témoignant contre eux sans porter d'accusation. وَمَا كَانَ شَيْءٌ عَلَيْهِمْ أَضَرَّ مِنَ الظُّلْمِ وَهُوَ الَّذِي قَدْ قَصَمَ. Rien ne leur a été plus nocif que l'injustice, et c'est ce qui les a brisés. فَكَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَانٍ وَمِنْ قُصُورٍ وَأُخْرَى عَلَيْهِمْ أَطَمَّ. Combien ont-ils abandonné de jardins, de palais et d'autres biens encore engloutis? Salaw bil jahim wa fata na. صلوا بالجحيم وفاة النعيم كان الذي نالهم كالحلم. Ils sont parvenus en enfer sans aucun bienfait, sans aucun bienfait, et ce qu'ils ont possédé est désormais pour eux tel des rêves, des songes. Al-Hasil, il n'y a pas une meilleure chose qui préserve les bienfaits que la piété, et il n'y a pas une chose pire pour dissiper ses bienfaits que les péchés. L'effet suivant. ومن عقوبتها ما يلقيه الله سبحانه من الرعب والخوف في قلب العاصي. Allah jette l'épouvante et la peur dans le cœur du pécheur. Allah Azza wa Jalla met dans le cœur de ceux des adeptes des péchés la peur, l'épouvante et la peur. Al-amn wal-iman qarinan. Wa-dhunub wal-khawf qarinan. Sachez que la sécurité va de pair avec la foi et l'obéissance à Allah. Tout comme la peur va de pair avec la désobéissance et le shirk. Naam. أهل التوحيد والإيمان والطاعة أقوى الناس. Les gens du tawhid et de la foi sont les gens les plus forts. Et les gens du shirk et des péchés sont les gens les plus forts. Et les gens du tawhid et du iman et de l'obéissance sont ceux qui ont les cœurs les plus apaisés. Et les gens du kufr et du péché sont les gens qui ont les cœurs les plus apeurés. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit donc: فلا تراه إلا خائفا مرعوبا فإن الطاعة حسن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمين من عقوبة الدنيا والآخرة ومن خرج عنه أحاطت به المخاوف من كل جانب فمن أطاع الله انقلبت المخاوف في حقه أمانا ومن عصاه انقلبت أمانته أو ما انقلبت مآمنه مخاوف فلا تجد العاصي إلا وقلبه كأنه بين جناحي الطائر إن حركت الريح الباب قال جاء الطالب وإن سمع وقع قدم خاف أن يكون نذيرا بالعطب يحسب أن كل صيحة عليه وكل مكروه قاصدا إليه فمن خاف الله آمنه ومن كل شيء ومن لم يخاف الله أخافه من كل شيء. Ibn Qayyim رحمه الله تعالى nous dit: ainsi tu ne le vois, c'est-à-dire le pécheur, que craintif et épouvanté. Il est toujours en panique. Car l'obéissance est la plus grande citadelle d'Allah. C'est la plus grande forteresse d'Allah. Celui qui y pénètre est préservé des châtiments de ce bas monde et de l'au-delà. Celui qui en sort est cerné de tous côtés par ceux qui l'effraient. Pour celui qui obéit à Allah, ses craintes se changeront en sécurité. Et pour celui qui lui désobéit, sa sécurité se transformera en crainte. Sa sécurité se transformera en crainte. Ainsi, tu vois le pécheur comme s'il était constamment entre les ailes d'un oiseau. Si le vent fait bouger la porte, il dit: on vient me prendre. On vient me prendre. Et s'il entend des bruits de pas, il craint qu'on vienne lui annoncer sa perte. Il pense que tout cri est dirigé contre lui, que tout mal le vise. Celui qui craint Allah, ça faut le noter. Celui qui craint Allah, il le met à l'abri de toutes choses. Alors que celui qui ne craint pas Allah, il lui fera craindre toutes choses. Allah fera en sorte qu'il ait peur de toutes choses. Celui qui a véritablement peur d'Allah, tout le monde aura peur. Non? Et celui qui n'a pas peur d'Allah, Allah fera en sorte qu'il ait peur de toutes choses. Allah fera en sorte qu'il ait peur de toutes choses. Celui qui vole, par exemple. Non? Dès qu'il entend la porte frapper, il pense que c'est la police qui vient chercher. Ou bien il pense qu'il a été découvert, yani, que ceux à qui il a volé ont découvert que c'est lui, ils viennent le chercher. À chaque fois qu'on sonne, c'est qui? Il est en panne. Pourquoi? Parce qu'il est dans le haram. Parce qu'il est dans, il est dans le haram. Non? Alors que celui qui est que dans le halal, quand ça frappe, il se dit peut-être que c'est un voisin. Peut-être qu'on vient l'appeler un bien. Quant à celui qui est dans le haram, la chose qu'il déteste le plus, c'est que ça frappe. Parce qu'il est, il est toujours effrayé, il est toujours, il est dans la peur, il vit dans la peur, dans la crainte. Non? S'il passe et il entend des gens parler, il se dit, il parle de moi. Comme la veille il a volé, il se dit, ils sont courants que c'est lui. Et ainsi de suite. Dès qu'il y a un problème, il pense qu'il est visé. Et quand on lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Il a fait tellement de choses qu'il se dit, de quoi tu parles? Alors celui qui a peu de fautes, dès qu'il est accusé d'une chose, il sait de quoi on parle. Mais celui qui est impourvu, le vol et le haram, c'est même plus de quoi tu lui parles. Non, peut-être qu'il dévoile certains de ses péchés desquels tu n'étais même pas au courant. Non, parce que la première chose qui lui est venue à l'esprit, c'est telle chose. Alors que toi, tu parlais de telle autre. Quant à celui qui est pieux, tout le monde aura peur de lui. Un jour, Ibn Taymiyyah, tarahimahullah ta'ala, est parti chez un gouverneur. Il est parti chez un gouverneur qui était injuste. Et il était accompagné de personnes. Et il y avait le traducteur. Quand Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, est entré, il avait une prestance telle que le gouverneur l'a redouté. Et il lui a accordé place dans l'assise. Puis il lui a dit, fais-moi des recommandations et invoque en ma faveur. Il lui a dit, d'accord. Oh Allah, voici ton serviteur un tel. Si tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour l'islam et les musulmans, élève-le et secours-le. Et s'il l'a fait pour avoir là les regards des gens et l'élévation, extermine-le. Et fais-lui ça, et fais-lui ça, et fais-lui ça. Alors ceux qui étaient dans l'assise, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leurs vêtements et ils ont mis sur eux comme ça. Pourquoi? En se disant que le gouverneur allait ordonner qu'on lui coupe la tête et de peur que le sang les touche. Alors ils ont commencé à prendre leurs vêtements pour se protéger de l'éclaboussure. Et Ibn Taymiyyah, il faisait des dua. Oh Allah, fais-lui ça, et fais-lui ça, et fais-lui ça. Et lui, il disait amin au propre dua contre lui. Puis il les a laissés partir et ils sont partis. En sortant, ils l'ont attrapé et ils l'ont dit, plus jamais de notre vie on voyage avec toi. T'es un danger public. Non, t'es un danger public. Voilà. Puis ils lui ont dit, on ne fera pas la route avec toi. Où tu iras, on prendra le chemin contraire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis à prendre la route normale. Eux, ils ont fait un détour. En chemin, il y a des qutta'turuq. Comment est-ce qu'on dit ça? Des brigands de chemin. Ils les ont attrapés, ils les ont dépouillés, ils leur ont volé leur argent et ils leur ont pris leurs vêtements. Non? Quant à Ibn Taymiyyah, il est arrivé en sécurité, il a été accueilli. Quant à eux, ils sont arrivés dans des tenues que vous pouvez imaginer et ils avaient été dépouillés de leurs biens. Non? Celui qui a peur d'Allah Azza wa Jal, Allah fera en sorte que tout le monde ait peur de lui. Celui qui a peur des créatures, celui qui n'a pas peur d'Allah, Allah Azza wa Jal fera en sorte que ces gens-là aient peur des créatures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Quraysh a réuni les gens pour venir s'en prendre à lui, sa fille Fatima radiallahu anha avait peur pour lui. Et il l'a informé que les gens se sont réunis. Comme Allah Azza wa Jalla a cité dans le Coran, « Innas aqad jama'a lakum » et Shaitan, yani, aurait voulu qu'ils aient peur. « Farshawhum » Naam. Les gens se sont liés contre vous, ayez peur d'eux. Quelle fut la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Faqal hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit, et quel bon gars. Allah nous suffit, et quel bon gars. Il est sorti, il les a défiés. On lit l'histoire de Houd dans le Coran. On lit l'histoire de Houd dans le Coran. Subhanallah. Houd, c'est un des plus forts. Son peuple a comploté contre lui, son peuple l'a menacé, on va te faire ça, on va te faire ça, on te fait peur de nos divinités. Comme les gens disent, on va t'attaquer avec nos sorciers, on va t'attaquer avec nos marabouts. Ils ont fait ça, on va t'attaquer avec nos divinités. On va te faire ça, on va te faire ça, si t'arrêtes pas d'appeler au tawhid, on va te faire ça, on va te faire ça. Comme ils font au jour d'aujourd'hui, subhanallah. Qu'est-ce qu'il a fait, il est sorti. Il a dit, Fakiduni jami'an. Mettez-vous tous contre moi et ne me donnez aucun répit. Inni tawakkaltu ala Allah. Rabbi wa rabbikum. Moi, j'abandonne mon affaire totalement et je compte pleinement que sur Allah. Mon Seigneur est le vôtre. Ils n'ont rien pu faire. Celui qui a peur d'Allah, Allah Azza wa Jalla fait en sorte qu'on ait peur de lui. Celui qui est dans ta'atullah, celui qui est dans l'obéissance d'Allah, il craint Allah. Il s'acquit de ses devoirs envers Allah, puis de ses devoirs envers les créatures d'Allah. Lui, il n'a rien à craindre. Et si on lui fait l'injustice, Allah Azza wa Jalla le défend. Et s'il est touché d'un mal, c'est pour lui effacer encore des péchés, l'élever en degré. Naam. Hakada. Barakallahu fikum. Bitha qada Allahu bayna an-nasi mundu khuliqu an al-makhawif wal-ijra ma fi qarab. Et il fut dit, Allah a prédestiné aux gens depuis leur création que la crainte et le crime sont liés. La crainte, ça va avec le mal. La sécurité, ça va avec le bien. Le point suivant. وَمِنْ عُقُوبَتِهَا أَنَّا تُوقِعُ الْوَحْشَةَ الْعَظِيمَةَ فِي الْقَلْبِ فَيَجِدُ الْمُذْنِبُ نَفْسَهُ مُسْتَوْحِشًا قَدْ وَقَعَتِ الْوَحْشَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ وَبَيْنَ الْخَلْقِ وَبَيْنَ نَفْسِهِ وَكُلَّمَا كَثُرَتِ الذُّنُوبِ اشْتَدَّتِ الْوَحْشَةُ وَأَمَرُّ الْعَيْشِ الْمُسْتَوْحِشِ وَأَمَرُّ الْعَيْشِ عَيْشُ الْمُسْتَوْحِشِينَ الْخَائِفِينَ وَأَطْيَبُ الْعَيْشِ عَيْشُ الْمُسْتَأْنِسِينَ فلو نظر العاقل ووازن بين لذة المعصية وما توقع من الخوف والوحشة لعلم سوء حاله وعظيم غبنه إذ باع أنس الطاعة وأمنها وحلاوتها بوحشة المعصية وما توجب من الخوف والضرر الداعي له وكما قيل فإن كنت قد أوشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. Allahu Akbar. Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala nous dit, les péchés provoquent une grande solitude dans le cœur. Ainsi le pécheur se sent seul, éloigné de son Seigneur, éloigné des gens, éloigné de sa propre âme. Et plus les péchés se multiplient, plus la solitude augmente. Cette personne-là, même si elle est entourée, même si elle a tout ce qu'elle souhaite et aime de dunya, elle sent un profond creux dans sa poitrine. Elle se sent seule. Rien n'arrive à combler ce manque. Pourquoi? Parce que ce sont les péchés qui l'ont détruit. Il sent une distance entre lui et son Seigneur, entre lui et sa famille, entre lui et ses enfants, entre lui et ses proches, même entre lui et sa propre âme qui habite son corps. Wal'iyadhu billah. Plus il fait des péchés, plus cette solitude devient profonde et augmente. La vie la plus amère est celle de ceux qui vivent esselés et apeurés. Par quoi? Par les dhunoub. Et la meilleure des vies est celle de ceux qui vivent entourés. Ils se sentent proches d'Allah Azza wa Jalla. Si l'homme censé méditer compare le plaisir et la délectation du péché et ce qu'il provoque en lui comme peur et solitude, il saura combien sa situation est mauvaise et combien il a été trompé. voyez celui qui vend une chose qui coûte cher et il la vend vraiment en dessous de son prix, on dit quoi de lui? C'est faranaké. C'est ça le roubine. Le roubine, c'est ça. C'est l'arnaque totale. Pour empêcher, regardez toutes les conséquences. Il a vendu tous ces bienfaits-là contre un plaisir éphémère. Ça, c'est la pire arnaque. Si l'homme sensé médite et compare la délectation du péché, le plaisir que lui procure ce péché, et ce qu'il provoque en lui comme peur et solitude, il saura combien sa situation est mauvaise et combien il est trompé. Plus, puisqu'il vend ce qu'amène l'obéissance comme compagnie, sécurité et douceur pour ce qu'implique le péché comme solitude, crainte et tort. Comme il a été dit, si ce sont les péchés qui provoquent ta solitude, délaisse-les si tu veux et recouvre ton bien-être. Et recouvre ton bien-être. Donc la personne, elle doit peser le délaisse du péché et les conséquences qui en découlent. Et réfléchir et utiliser sa raison pour voir si ça en vaut le coup. Elle verra que pas du tout. C'est la pire arnaque du shaitan, la pire arnaque de son nefs, la pire arnaque de ses mauvaises fréquentations. Non. Donc il ne faut pas tomber dans ces filets-là et dans cette arnaque. وسر المسألة أن الطاعة توجب القرب من الرب سبحانه وكلما اشتد القرب قوي الأنس والمعصية توجب العبد البعد من الرب كلما ازداد البعد قوية الوحشة ولهذا يجد العبد وحشة بينه وبين عدوه لبعد الذي بينهما وإن كان ملابسا له قريبا منه ويجد أنسا وقربا بينه وبين من يحب وإن كان بعيدا عنه والوحشة سببها الحجاب كلما غلظ الحجاب زادت الوحشة والغفلة توجب الوحشة والغفلة توجب الوحشة وأشد منها وحشة المعصية وأشد منها وحشة الشرك والكفر ولا تجد أحدا ملابسا شيئا من ذلك إلا ويعيوه من الوحشة بحسب ما لابسه منه فتعلو الوحشة وجهه وقلبه فيستوحش ويستوحش منه. Tout ce passage-là est très très important. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit le secret de cette question est que l'obéissance amène la proximité vis-à-vis du Seigneur. Et plus ce rapprochement augmente, plus la proximité se renforce. Alors que le péché amène l'éloignement vis-à-vis du Seigneur. Et plus l'éloignement augmente, plus la solitude se renforce. C'est pour cette raison que l'homme ressent une distance entre lui et son ennemi. En raison de l'éloignement qui existe entre eux, même s'ils se fréquentent et vivent à proximité. Même si la personne est son voisin. Du fait de cet éloignement des cœurs, et du fait qu'il n'y ait pas cet amour, non, il y a une distance entre les deux. Même s'ils sont proches de corps. Alors qu'il ressent un rapprochement et une proximité envers celui qu'il aime, même s'il se trouve loin de lui. C'est ça le secret de la question. Plus la personne obéit à Allah, plus il y aura l'amour entre les deux, plus il se sentira proche d'Allah. Plus il y a les péchés, plus il se sentira éloigné de lui. Cet éloignement est causé par un voile. Et plus ce voile est épais, plus l'éloignement augmente. La négligence, l'insouciance provoquent l'éloignement. Mais plus encore, le péché. La rafla, le fait d'être distrait d'Allah Azza wa Jal et de ce qui nous mène vers Allah comme obéissance et de dhikrullah, ça provoque quoi? Ça provoque un éloignement entre nous et Allah. Pire que cet éloignement dû à la distraction et à l'insouciance, l'éloignement provoqué par quoi? Par les péchés. Par les petits péchés. Puis les grands péchés. Pire que l'éloignement causé par les grands péchés, l'éloignement provoqué par quoi? Par le polythéisme et la mécréance. Par le polythéisme et la mécréance. Plus une personne commet ces choses, plus sa solitude augmente. Et à mesure de ce qu'il en commet, ceci apparaît sur son visage et sur son cœur. Ainsi, elle s'éloigne et on s'éloigne d'elle. Cette personne-là n'aimera plus les bonnes assises, les assises pieuses. Mais les gens du bien aussi n'aimeront plus sa compagnie. Les gens du bien n'aimeront plus sa compagnie. Les gens de l'obéissance, les gens du bien, les gens de bien aiment ces gens-là et aiment leur compagnie. Les gens du mal n'aiment pas la compagnie des gens du bien et leurs assistants. Parce qu'ils sont une barrière entre eux et leur passion. Et les gens du bien n'aiment pas leurs assises parce que dans leurs assises, il y a le haram. Il y a le haram. Donc ils n'aiment pas les fréquenter. Si ce n'est pour les tirer vers le bien et par pitié envers eux. Si ce n'est pour les tirer vers le bien, par pitié envers eux. Non. ومن عقوبتها أن تصرف القلب عن صحة واستقامته إلى مرض وانحراف فلا يزال مريضا معلولا لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه إن تأثير الذنوب في القلب كتأثير الأمراض في الأبدان بل الذنوب أمراض القلب بل الذنوب أمراض القلوب وداؤها ولا داء دواء ولا دواء لها إلا تركها. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit le point suivant: les péchés font passer le cœur de la santé et la droiture à la maladie et la débauche. Il ne cesse d'être malade et vicié. Les aliments qui permettent sa vie et sa rectitude ne lui sont plus d'aucune utilité. Le cœur tombe tellement malade dû au péché que la nourriture qui amène sa santé, même cette nourriture, cette bonne nourriture, elle ne lui est plus d'aucune utilité. Les péchés affectent le cœur comme la maladie affecte le corps. Ils sont à la fois sa maladie et son mal. Et il n'y a d'autre remède que de les délaisser. La seule chose qui soigne le cœur, dans ce cas-là, cette maladie-là, c'est le délaissement des péchés. Celui qui est malade par rapport à une maladie de dunya, la chose qu'il aimait le plus, c'est le sucre. Je lui dis, si tu n'arrêtes pas le sucre, tu vas mourir demain. Il arrête le sucre et il arrête même le sel. Non. Il arrête le sucre, il arrête même le sel. Il arrête tout ce qu'on lui dira d'arrêter et il exagérera dans ce cas. Pour les choses de doute. Mais la personne, elle sait que si elle n'arrête pas les zonobes, ça va détruire son calme. Et que plus personne pourra faire quelque chose pour elle. Malgré ça, elle continue dans les péchés. Elle continue dans les péchés. Subhanallah. Et là, c'est à noter, on ne va pas dire en or, mais plus précieux que cela. وَقَدْ أَجْمَعَ السَّائِرُونَ إِلَى اللَّهِ. Ça, c'est un des meilleurs passages. Des plus impressionnants dans le niveau d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. وَقَدْ أَجْمَعَ السَّائِرُونَ إِلَى اللَّهِ أَنَّ الْقُلُوبَ لَا تُعْطَى مُنَاهَا حَتَّى تَصِلَ إِلَى مَوْلَاهَا وَلَا ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة ولا تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواها فهواها مرضها وشفاؤها مخالفته فإن استحكم المرض قتل أو كان وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه فكذلك يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة ولا يشبه نعيم أهلها نعيما البتة بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا ولا تحسب أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط بل في دورهم الثلاثة هم كذلك أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم وهل النعيم إلا نعيم القلب وهذا العذاب وهل العذاب إلا عذاب القلب الله أكبر. هذا من أجمل ما قرأنا وسمعنا. Parmi les plus belles paroles du livre après les ayat et les ahadith. Et cela provient des ayat et des ahadith en réalité. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Ceux qui se dirigent vers Allah sont unanimes sur le fait que les cœurs ne parviennent à la béatitude qu'en parvenant à leur maître. Les cœurs n'atteignent le point culminant de la satisfaction et du plaisir qu'en atteignant Allah subhanahu wa ta'ala, qu'en atteignant leur maître. Et ils ne peuvent parvenir à leur maître tant qu'ils ne sont pas sains. Tant que le cœur n'est pas en bonne santé, on ne peut pas avancer vers Allah azza wa jalla et l'atteindre. Et cela n'est possible qu'en transformant le mal en remède. Donc, en combattant ses passions, qui sont la maladie, et dont la guérison ne réside dans le cœur, et dont la guérison ne réside que dans leur refoulement. La personne ne pourra pas avoir le summum du plaisir tant qu'elle n'aura pas atteint Allah Azza wa Jal. On lui dit, pour atteindre Allah Azza wa Jal, il faut que tu soignes ce cœur. Parce qu'avec sa maladie, il ne peut pas avancer vers Allah. Na'am. Qu'est-ce qui habite dans ce cœur qui l'empêche d'atteindre Allah? Les péchés et les passions. Donc tu veux atteindre Allah? Délaisse les péchés. Tu veux atteindre Allah? Combat tes passions. Et si cette maladie s'installe, elle est mortelle ou presque. De la même manière que celui qui s'interdit les passions a pour demeure le paradis. Dans Sourate An-Nazi'at. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Celui qui empêche, interdit à son âme les passions, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Sa demeure sera quoi? Le paradis. Le paradis. Le cœur est sur... Écoutez, de la même manière que celui qui s'interdit les passions, de la même manière que celui qui s'interdit les passions a pour demeure le paradis, comme à la fin de Sourate An-Nazi'at, le cœur est sur terre un paradis. فَكَذَا يَكُونُ قَلْبُهُ فِي هَذِي دَارْ فِي جَنَّةٍ عَاجِلَةٍ. Corrigez la traduction. De la même manière que celui qui s'interdit les passions, a pour demeure le paradis, le cœur est dans cette demeure, dans un paradis. Est-ce que c'est compris? Celui qui combat son âme et s'interdit les passions, sa finalité ce sera quoi, Yawm al-Qiyamah? Le paradis. Ibn Qayyim dit, de la même façon, dans ce bas monde, il rentrera dans un paradis. Dans ce bas monde, il sera dans un paradis. Et aucun bienfait ne lui est comparable. Ibn Qayyim dit, celui qui combat ses passions, arrête les péchés. Allah Azza wa Jalla va le mettre dans ce bas monde, dans un paradis, avancé. Avant de mourir et de rentrer dans le paradis éternel. Déjà dans ce bas monde, Allah Azza wa Jalla le met dans un paradis. Allahu Akbar. Puis il nous dit, aucun bienfait ne lui est comparable. Cet état que ressent cette personne qui a délaissé les péchés, la proximité d'Allah, le délice de son évocation, de son invocation, d'avoir uniquement Allah pour Seigneur, de se prosterner que devant lui, de lire le Coran, sa parole, et de ressentir qu'il lui parle à lui, d'avoir battu el-shaytan et son âme, d'être proche d'Allah Azza wa Jal. Quand il fait dua, il exauce. Quand il a besoin, il lui donne. De pouvoir se lever, être léger pour l'adorer. De se sentir proche de lui. D'avoir un grand délice à chaque fois qu'on le mentionne et qu'on l'adore. De se sentir proche de lui. De ne pas avoir de but plus ultime que de l'atteindre. Celui qui ressent ça dans son cœur, aucun bienfait qu'il a fait de dunya lui est comparable. aucun bienfait qu'il y a fit dunya lui est comparable. Et il fut dit, masakinu ahli dunya, les plus à plaindre de ce bas monde, les pauvres parmi les gens de ce dunya, sont ceux qui l'ont quitté sans avoir goûté au plus grand plaisir qui lui compte, qui s'y trouvait. Il fut dit, quel est ce grand plaisir? La réponse a été, ma'rifatullah, la connaissance d'Allah. Wal-unsubi, se sentir proche de lui. Naam, le fait de se sentir proche d'Allah, de prendre du plaisir à l'adorer, d'être léger quand on nous appelle à une bonne action, d'être rapide, et d'être alourdi quand on nous appelle à mal et un péché. Ça, c'est un paradis dans ce bas monde qu'Allah Azza wa Jalla accorde aux croyants avant de les mettre dans le paradis de l'au-delà. La différence entre les deux est semblable à la différence entre les bienfaits de ce bas monde et ceux de l'au-delà. La différence entre l'état de celui qui rentre dans le paradis de ce bas monde et les gens des péchés, leur plaisir dans les péchés, non, ou les gens qui n'ont pas goûté à ça, et pareil que la différence qu'il y a entre les gens de ce bas monde qui sont dans l'obéissance, le délice qu'ils ont et le délice qu'ils auront dans l'au-delà. Et le délice qu'ils auront dans l'au-delà. Mais ne peut le savoir que celui dont le cœur a connu les deux. Naam, faut avoir vécu cela pour le comprendre. Et ne pense pas que la parole d'Allah, la traduction des sens de ce verset, de Suratul Infitar, les pieux seront dans un délice et les pervers seront dans une fournaise. Yani, ils seront dans les délices du paradis et les autres seront dans la fournaise de l'enfer. Ibn al-Qayyim dit ne pense pas que ça c'est que dans l'au-delà. Il dit c'est dans les trois demeures. Dans ce bas monde, la vie terrestre, dans le barzakh, la vie dans la tombe, et dans l'au-delà après la résurrection. Innal abrar la fi na'im, ils seront dans les délices, dans la vie terrestre, dans leur tombe, et le jugement dernier quand ils rentreront au paradis. Et les autres, ils vivent un enfer. Ils sont en enfer dans la vie terrestre. Ils ne trouvent pas le repos du fait qu'ils ont pris autre qu'Allah comme divinité à adorer. Ils ne trouvent pas le repos du fait qu'ils ont peur de tout et de n'importe quoi. Ils ne trouvent pas le repos du fait qu'ils sont perdus, n'ont pas de voix, ni de guidée, ni d'exemple, comme le prophète alayhi wasallam. Et quand ils ont la satisfaction d'un tel, ils ont le courroux d'un tel. Parce qu'ils veulent la satisfaction de plusieurs divinités. Non. Leurs intentions et leurs cœurs sont divisés. A'arbab mutafarriquna khayrun am Allah al-wahid al-qahhar? Est-ce que plusieurs seigneurs divisés c'est meilleur ou bien l'unique dominateur suprême Allah? Donc ils sont en enfer dans ce bas monde, dans leur péché, dans leur désobéissance, dans leur soumission aux passions, ensuite dans l'enfer de la tombe, dans les châtiments. Ensuite, yom al-qiyama finna. A'oudhu billah. A'oudhu billah. Le bonheur est-il autre chose que la joie du cœur? Et le châtiment est-il autre chose que le châtiment du cœur? Quel supplice est plus terrible que la peur, l'angoisse, la tristesse, l'étroitesse de la poitrine, l'éloignement vis-à-vis d'Allah et de la demeure de l'au-delà? De s'attaquer, afin de s'attacher autre qu'Allah, à autre qu'Allah, et de se détacher de lui. Naam, de s'attacher autre qu'Allah et de se détacher de lui, en étant touché d'une part de chacune de ces choses. Toute chose à laquelle il s'attache, taïb. Wa ayyu adhabin ashad min al-khawf wal-ham wal-hazn وضيق الصدر وإعراضي عن الله والدار الآخرة وتعليقي بغير وتعلقي بغير الله وانقطاعي لفدسات أشاوت نعم وانقطاعه عن الله بكل واد منه شعبة وكل من تعلق به وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب. Cette parole là, Allah Akbar. Toute chose à laquelle il s'attache et qu'il aime en dehors d'Allah le conduit au pire des châtiments. Toute personne qui rattache son qalb à autre qu'Allah et l'aime en dehors d'Allah Azza wa Jal, par cela, il sera châtié. On ne parle pas de l'amour en Allah. Ça, c'est une chose par laquelle on se rapproche d'Allah. Toute personne qui aime autre qu'Allah, en dehors d'Allah, et qui rattache son qalb à cette chose-là, Allah Azza wa Jalla fera en sorte qu'il souffre à cause d'elle. Et qu'il soit châtié à cause d'elle. Et qu'il soit châtié à cause d'elle. Non. Ne voyez-vous pas l'homme, il aime la femme dans le haram. Il aime la femme dans le haram. Elle ne lui est pas licite. Il va avec elle, comme si c'était son épouse. Ensuite, il souffre de par sa cause. Il court de par sa cause. Il s'humilie de par sa cause. Il dépense tout ce qu'il possède et ne possède pas de par sa cause, quitte à voler de par sa cause. Et au final, son cœur ne vit plus de par sa cause. Il voit qu'il ne peut plus respirer si ce n'est par sa cause. Et qu'il ne peut plus vivre si ce n'est par sa cause. Et si elle lui demandait de sortir de son islam, il sortirait de l'islam. Au point certain, se suicide pour celle-ci. Ça, c'est pas un azab, ça. Ça, c'est pas un azab. Il ne peut plus vivre. Il se roule par terre de par sa cause. L'un d'entre eux, la femme lui dit, je ne t'accepterai pas tant que tu n'auras pas délaissé cette religion. Il sort de cette religion pour cette mar'a-là. Il meurt avant d'avoir touché cette femme-là. Wal'iyadu billah. Naam. L'un d'entre eux, la femme, elle lui dit, je ne t'accepterai pas tant que tu n'auras pas délaissé cette religion-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il délaisse cette religion. Ensuite, son père la lui marie. Il vient devant elle, elle lui dit, tu ne me touches pas tant que tu ne t'es pas prosterné devant moi. Il se prosterne devant elle, on lui retire son arme. Hein? Il s'est prosterné devant elle, on lui a retiré son arme. Il a quitté l'islam et s'est prosterné devant autre qu'Allah pour ses passions et il est mort, il ne les a même pas assouvis. Hein? Un soujoud pour une mar'a. A'oudhou billah. Sortir du din. Si tes parents font des efforts pour m'associer ceux au sujet de quoi tu n'as pas connaissance, ne leur obéis pas. Ça, c'est les parents, la cause de ta venue au monde. C'est incomparable avec la femme. Pourtant, s'ils t'invitent au shirk, Allah dit fala tuti'uhuma. Mais, wa sahibuhuma fi dunya ma'ruf, accompagner dans ce bas monde, selon le convenable. Comment est-ce qu'on peut délaisser un din pour ces passions-là? Ça va loin. Naam, ça va loin. Certains volent, certains sont prêts à commettre le meurtre, certains se suicident pour ces passions-là. Wal'iyadu billah. Donc c'est un jahim, c'est un enfer de rattacher son cœur à autre qu'Allah Azza wa Jal. C'est un azab perpétuel. Il souffre pour l'atteindre. Puis il souffre quand il la possède de peur de la perdre. Puis il souffre lorsqu'il s'en sépare. C'est un châtiment perpétuel. Alors que lorsqu'il est dans le licite, à chaque fois qu'il touchera cette femme-là, il en est récompensé. Regardez la différence entre les deux. Lui, il est dans un châtiment perpétuel et lui, il prend des hasanats à chaque fois qu'il s'approche d'elle. À chaque fois qu'il consomme rien. La différence entre le halal et le haram. Non. Lui, il se cache, lui, il peut se montrer. Lui, il est humilié, lui, il est honoré. Lui, ce sont ses enfants, lui, ce ne sont pas ses enfants, et ainsi de suite. Ô combien est grande la différence entre le halal et le haram. فكل من أحب شيء غير الله عذب به ثلاث مرات. Ibn Qayyim nous dit, toute personne qui aime une chose en dehors d'Allah sera châtiée par cette même chose trois fois ou à trois reprises. Dans ce bas-mot. فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصل. Avant de l'avoir, il est châtié tant qu'il ne l'a pas eu. Vous comprenez? Il court après elle. Tout ce temps-là, il est dans un châtiment. فإذا حصل عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته. Quand il l'a obtenu, il est encore dans la peur. Il est châtié. Pourquoi? Il a peur qu'on la lui retire. Il a peur de la perdre. والتنغيس والتنكيد عليه. Et d'autres supplices encore. وأنواع من العذاب في هذه المعارضة. فإذا سلبه أو سلبه اشتد عليه عذابه. Et s'il venait à la terre, ou lorsqu'il la perd, son supplice serait d'autant plus intense. Voici donc trois formes de châtiment sur terre. Ça connaître ça, subhanallah. Trois formes de châtiment. Celui qui veut être l'esclave du serviteur, voici le chemin. Suivre ses passions. Et l'aimer en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Wa amma fil barzakh, ça c'est fil dunya. Maintenant dans la tombe. Fa'adabu. يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجى أو لا يرجو عوده أو عوده ألم فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجو عوده. Il dit, dans le monde de la tombe, le supplice est lié à la douleur de la séparation sans espoir de retour. La personne qui quitte ce bas monde, elle sait qu'elle ne pourra plus jamais revenir. Ça, c'est un châtiment. Avec de surcroît la torture d'être passé à côté du délice immense, de délices immenses, pour avoir été préoccupé par ceux qui y est opposé. Donc, il est châtié du fait qu'il ne peut plus revenir fi dunya. Il est châtié du fait qu'il se dit, je suis resté préoccupé par des choses. Et ces choses-là m'ont fait passer à côté du délice. Wa alamu fawati ma fatahu min an-na'im al-'azim bi-ishtighali bi-diddihi. Le fait qu'il s'est occupé de l'opposé de la cause des plaisirs. Wa alamu al-hijab 'anillah. Puis la douleur du voile existant entre lui et Allah. Wa alamu al-hasrati allati تقطع الأكباد فالهم والغم والحسرة والحزن تعمل في نفوس النظير ما يعمل الهوام والديدان في أبدانهم. الله أكبر. Et la douleur du malheur qui déchire le ventre. Regret, tristesse, remords et chagrin rongent l'âme comme les serpents et les vers rongent sa dépouille. Mais la torture de l'âme est Elle est perpétuelle et continue. Mais la torture de l'âme est. Il y a une virgule, puis elle, puis une virgule. Est-ce que c'est une erreur ou bien ça se dit ainsi? Perpétuelle et continue. Jusqu'à ce qu'Allah fasse revenir l'âme dans le corps, alors le châtiment franchit une nouvelle étape, bien plus meurtrière et plus amère. Allahu Akbar. Tout le temps qu'il est dans la tombe, c'est ce qu'a décrit Ibn al-Qayyim. Puis quand on fait revenir son âme dans son corps, c'est une étape qui est encore plus grave. بل عملها في النفوس دائم مستمر حتى يردها الله إلى أجسادها فحينئذ ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وأمر فأين هذا من نعيم في من نعيم من يرقص قلبه طربا وفرحا وأنسا بربه واشتياقا إليه وارتياحا بحبه وطمأنينة بذكره حتى يقول بعضهم في حال نزعه واضطرابه ويقول الآخر إن كان أهل الجنة في مثل هذا الحال إنهم لفي عيش طيب ويقول الآخر مساكن أهل الدنيا خرجوا منها ما ذاقوا لذيذ العيش فيها وما ذاقوا أطيب ما فيها ويقول آخر لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجلدونا عليه بالسيوف ويقول الآخر إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة فيا من باع حظه الغالي بأبخس الثمن وغبن كل الغبن في هذا العقد وهو يرى أنه قد غبن إذا لم يكن لك خبرة بقيمة السلعة فسل المقومين فيا عجبا من بضاعة من بضاعة معك الله مشتريها وثمنها جنة المأوى والسفير الذي جرى على يدي عقد تبايع وضمن الثمن عن المشتري هو الرسول صلى الله عليه وسلم وقد بعتها بغاية الهوى. وكما قال القائل إذا كان هذا فعل عبد بنفسه فمن ذا له من بعد ذلك يكرمه. ويقول الله تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Ça, c'est un des passages de tout le livre des plus extraordinaires. Subhan al-Malik. Ô combien Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala était conseiller, éloquent, et on voit de sa sincérité. Nahsabu kadhalik wallahu hasib. Il nous dit rahimahullah ta'ala, Allah, la personne qui n'arrive pas à délaisser les péchés, après avoir médité le Coran et le Sunnah, elle lit cela, elle trouve une force à sortir des péchés qui peut-être vont la rendre meilleure qu'elle n'était avant même de commettre ses péchés. Meilleure qu'elle était peut-être même avant d'avoir commis ses péchés. De par le regret qui va habiter son cœur et des conséquences qu'elle a maintenant ou qu'elle connaît maintenant des péchés, va être encore un serviteur encore meilleur chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit donc, rahimahullah ta'ala, comment comparer littéralement où se trouve tout cela, c'est-à-dire les châtiments de cela, c'est-à-dire les plaisirs de l'obéissance à Allah Azza wa Jalla. Comment comparer cela aux palpitations du cœur, d'extase, de joie et de réjouissance à la rencontre de son Seigneur au terme d'une convoitise ardente, heureux de son amour et apaisé à son évocation. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit Aina hadha min na'im man yarqusu qalbu taraban wa farahan wa unsan bi rabbi. C'est pas que ce qui a été traduit là. Allahu Akbar. Yani par moment on lit ça. Wallahi, je me dis, si celui qui n'a pas la langue arabe, naam, on parle même pas du Coran et du Sunnah, passer juste à côté de ce genre de passage-là, wallahi, c'est une énorme perte. Et ça, c'est la parole d'Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Si la personne qui n'a pas la langue arabe, elle passe à côté de passages tels ceux-là, wallahi, l'adhim, c'est une grande perte. Wallahi, tu lis ce passage en arabe, ça change ta vie peut-être. Non, tu le lis, tu le relis, tu le relis, si tu l'écoutes, tu mets en arrière, tu écoutes à nouveau. Non, et tu ne trouves pas plus beau que cela en parole parmi et parmi les gens de ton époque ou de ton entourage. Je répète, fa'ayna hadha, tout ce qu'il a cité comme châtiment, est-ce que c'est comparable à min na'im man yarqusu qalbu taraban wa farahan wa unsan bi rabbi? Il dit l'autre qui est dans l'obéissance, il est incomparable avec ces gens-là. Celui qui est dans l'obéissance, son cœur il ne le tient pas en place dans sa poitrine. Naam, il bouge dans sa poitrine de joie et de la proximité qu'il ressent avec son Seigneur. Naam, tu vois par le moment, tu es tellement joyeux que tu ne tiens pas en place. Naam, le père, la mère revient dans le voyage et l'enfant, il sait que ses parents reviennent. Comment est-ce qu'il est assis comme ça? Non, il ne tient pas en place, il saute, il court, il est excité. Ça, oh là là. Ça, c'est la créature avec la créature qu'il aime le plus. Après le prophète Arsène. Non ? On ne peut pas imaginer alors l'effet du cœur de la joie qu'il reçoit de par son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Celui qui l'a créé, qui lui a tout donné, qui l'a guidé à ce dé. Son cœur, il ne reste pas en place dans sa poitrine. Non ? Il déborde de par l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. De par la joie de se soumettre à lui et d'avoir l'honneur d'être son serviteur. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala ajoute et dit de par la joie et de la proximité qu'il ressent avec son Seigneur. Et du واشتياقاً إليه وارتياحاً بحبي وطمأنينة بذكري. Il dit aussi une jouissance de joie et de réjouissance à la rencontre de son Seigneur. Yani, le ressenti qu'il a à l'idée de rencontrer demain son Seigneur, ça met son cœur dans un état qu'on ne peut décrire. De joie et de bonheur, de plaisir et de délectation. C'est un sentiment très ardent, très heureux. Et son cœur s'apaise totalement de par son amour et de par sa mention. À un point tel que l'un d'eux dit, que certains d'entre eux disent au moment de voir partir leur âme, quel enchantement. Yani l'homme, il vivait tellement bien fi dunya, il était tellement dans le plaisir de l'adoration d'Allah, il se sentait tellement proche d'Allah, et il est tellement pressé de rencontrer Allah, qu'au moment de mourir, ils étaient heureux. Parce que pour eux, c'est, ça veut dire que l'âme se rapproche davantage d'Allah. Parce que la personne n'entrera pas au paradis si c'est après avoir goûté à la mort. N'est-ce pas? Donc la personne n'aime pas la mort, mais c'est un passage obligatoire. D'autres disaient, après avoir ressenti des états semblables de délices dans le cœur, si les gens du paradis sont dans cet état, alors ils sont dans le meilleur état qu'ils soient. Allahu Akbar. L'état de dunya qu'atteignent les gens de l'obéissance d'Allah est tellement magnifique et plaisant que certains disaient, si les gens du paradis sont comme ça, c'est la belle vie. Alors que c'est incomparable. Alors que c'est incomparable. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque les gens du paradis seront au paradis, les gens de l'enfer en enfer, on va ramener la mort et on va la sacrifier. Naam. فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِ. Les gens du paradis vont ajouter joie à leur joie. Écoutez la suite du hadith. À un point tel que s'ils avaient pu mourir de joie, ils seraient morts. Mais on a tué la mort. Allahu Akbar. À un point tel que s'ils avaient pu mourir de joie, ils seraient morts. Mais on a tué la mort. Non? Mais on a tué la mort. وَيَزْدَادُ أَهْلِ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِ. Et les gens de l'enfer ajouteront tristesse à leur tristesse. Allah musta'an. Un autre dit, pauvres habitants de la terre, ils en sont sortis et n'ont pas goûté à la douceur de l'existence, ni à ce qu'elle contient de meilleur, c'est-à-dire la connaissance d'Allah, et se sentir proche de lui de par son obéissance. Un autre encore a dit, si les rois et les princes connaissaient le bien-être dans lequel nous sommes, ils nous fouetteraient avec leurs épées pour l'obtenir. Allez, les rois, ils veulent toujours plus de pouvoir et augmenter les frontières. Ben, les gens de science et les gens d'obéissance disaient, si les rois et les princes, leurs héritiers, savaient le plaisir dans lequel on est dans la science et dans l'obéissance d'Allah, ils nous auraient attaqué avec leurs épées pour nous prendre ce bonheur-là. Mais c'est pas une chose qui se prend, c'est une chose qu'Allah met dans le cœur de ses serviteurs. Un autre a dit, il est sur terre un paradis. Celui qui n'y entre pas ne pénétrera pas dans le paradis de l'au-delà. Dans ce bas monde, il y a un paradis. Celui qui ne rentre pas dans le paradis de ce bas monde, il ne rentrera pas dans le paradis de l'au-delà. C'est quoi ce paradis? C'est l'obéissance d'Allah. C'est le fait de se sentir proche d'Allah. C'est le fait d'aimer rencontrer Allah tabaraka wa ta'ala. Puis Ibn al-Qayyim dit, ô toi qui as vendu ce qui était meilleur pour un vil prix, et t'as vendu l'au-delà, un prix bas avec les péchés, tu as été trompé et tu le réalises maintenant. Si tu ne connais pas la valeur de ta marchandise, alors interroge ceux qui connaissent. C'est à peine croyable, tu possèdes une marchandise qu'Allah désire acheter au prix. Tu possèdes une marchandise qu'Allah désire acheter au prix d'un paradis éternel. L'ambassadeur ayant assuré l'acte de vente et garantissant le prix de la part de l'acheteur, c'est le messager d'Allah. Et toi, tu l'as vendu par l'avilissement, comme il a été dit. Si c'est ainsi que le serviteur agit envers lui-même, qui pourra l'honorer après cela? Celui qu'Allah avilit, nul ne peut l'honorer. Allah t'a envoyé le message d'Allah pour faire un commerce. Tu obéis à Allah, tu arrêtes les péchés, on te donne le paradis. C'est qui a fait la vente? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toi, tu as pris la marchandise, tu l'as refusée. Et tu l'as vendue contre rien. Contre ce bas monde qui va disparaître. فَنَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَمُنَّ عَلَيْنَا أَجْمَعِينَ بِتَوْبَةِ النَّصُوحِ وَيَغْفِرَ لَنَا وَلِوَالِدِينَ اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيثُ أَصْلِحْ شَأْنَنَا كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنَا إِلَى أَنفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين